Vous écoutez Eau de Radio sur 91.3. Avec Cultura, retrouvez la voix du geek. Cultura, l'esprit gamer. Il est 19h. Retrouvez l'Infernal et son équipe dans La Voix du Geek, l'émission 100% jeux vidéo sur Eau de Radio. C'est pas vrai? Alors tu montes le son et tu fermes ta gueule. Allez, salut à tous, bienvenue dans La Voix du Geek saison 4, mesdames, messieurs, bienvenue, nous sommes en direct, il est 19h. J'espère que vous allez bien chez vous de l'autre côté du transistor. On est parti pour une heure et demie, mesdames, messieurs, de jeux vidéo et de bonne humeur. Ils sont déjà morts de rire à côté, et c'est ça qui est bon, bordel de merde. Et dans moins de 10 jours, mesdames, messieurs, c'est Noël. Putain. Oui. Ah ouais, putain, j'avais même pas fait. Alors, l'air. Clément, il faut que tu tripotes un peu les fils, sûrement. Vas-y. Il a beau tripoter avec ses deux mains, ça n'a pas l'air de marcher. Eh bien non. Eh ben écoute, il fait passer pour un blaireau, je crois. Je te propose, non, trop pas. Change de micro. S'il te plaît. Voilà. Prends le verre si tu veux. Ouais. Non, mais laisse-le dessus, mais prends. On est en direct, c'est ça. Non, mais change de place, en gros, Clément. Et il prend son micro pour se plaindre alors qu'il marche pas. Bah du coup, je pars avec mon micro sans fil et je vais faire dans la rue. Voilà. Allez, on est en direct, la moitié de l'équipe est là. C'est la place où je Alors, il est en train de s'installer. Émission un petit peu spéciale ce soir, car on vous fait gagner Bloodborne. On vous fait glaner. On vous fait glander Bloodborne. Vu que c'est la Saint-Glinglin, on vous fait glagner. On vous fait gagner Bloodborne. On vous a fait partager le statut tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Alors, vas-y. Ah, c'est bon, ça marche. T'es content? Je vais juste niquer le tympan, c'est tout. Yes, bon bref, je disais, on vous fait gagner Blood Bowl. Tout à l'heure, vous Blood avez Ball, partagé ouais, allez, putain, Bloodborne. C'est un autre jeu, ça. Bon, on va le faire gagner aussi, vous me faites chier. Donc, j'ai mis tout sur des petits papiers, comme ça, tous les noms des gens qui ont gentiment partagé. D'accord. Et ensuite, d'une main innocente, je tirerai au sort. Oula, j'espère que c'est la main gauche, alors. Ah oui. D'accord. Et en plus, c'est cool parce que je me suis rajouté dedans. Comme ça, j'ai une chance de gagner moi-même. Tic, il a marqué l'infernal. Vous vous rappelez de ça avec Clémence? Non, on avait trollé une ancienne chroniqueuse d'ici, Clémence, et on devait le gage, c'était de manger une cuillère à soupe de wasabi. Et ah en oui, fait, on devait tirer au sort dans un chapeau le nom de la personne qui mangerait la cuillère de wasabi. Et évidemment, moi, toujours d'une main innocente, c'est moi qui avais préparé les petits papiers. Et sur les petits papiers, il y avait que écrit Clémence, en fait. Elle l'a pas fait, il me semble. Et si, elle l'a fait. Elle l'avait fait. Et même qu'elle s'en était pas rendu compte. Et à un moment, elle a dit, mais je suis sûr qu'attends. Je suis sûr que tu m'as piégé. Moi, jamais, elle a vérifié. Attends. Et voilà. Mais c'était, le mal était fait. Bref, allez, on est en direct, sur Eau de Radio, 411.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule, mais aussi sur Twitch, comme d'hab, twitch.tv/lavoixdugeek, la voix avec un E. Je vais jeter un petit coup d'œil, comme ça vous pouvez nous voir. Il y a 9 personnes. Coucou les 9 personnes. Il y a l'amical du geek, il y a Weeping, il y a Evil, il y a Don. Domitim. Voilà, salut à vous. Salut Domitim. N'hésitez et pas à nous dire si au niveau du son, si tout va bien ou quoi que ce soit. Voilà. Voilà. Ah, ça c'est fait. Ça c'était l'intro. Ça du bien. Allez, salut, bisous, à la semaine prochaine. qu'est-ce que je voulais dire? On en parlera après parce que demain. Bah oui. Demain, mesdames, messieurs, il se passe un truc de ouf sur la planète geek quoi. Est-ce que je peux vous poser une question? Vas-y. Est-ce que vous avez acheté votre sabre laser? Non. Putain, vous êtes sérieux? Je suis le seul à avoir acheté un sabre laser. Bah, sachant qu'on en a, on a 4 ou 5 déjà qu'on avait eu pour la soirée. Surtout que je sais pas si t'es au courant, mais t'as pas le droit de venir avec ton sabre ah, laser. Ah oui. Si, là où je vais à l'UGC, tu as le droit. Ah bon? Voilà. Et en plus de ça, tu as le droit avec ça en plastique. En plus. C'est ceux en vert un peu qu'ils veulent pas. Et oui, voilà. En fait, voilà, dans les cinémas, hein, ils veulent pas qu'il y ait trop de simili-armes, entre guillemets, avec ce qui s'est passé récemment. C'est vrai qu'on en voit tous les jours des sabres laser dans la vraie vie. Ah bah attends. Ah bah oui. Ah, c'est un truc de fou. Du coup, je l'emmène à la... Je l'emmène. Bah, essaye. Okay. Moi, je vais faire comme d'habitude. Je vais le cacher dans mon slip. Ça passera inaperçu. Parce que j'ai toujours une petite bosse comme ça. Ouais, ouais. Eh ouais, mais ça, genoux, ouais. Que veux-tu? Bon, bref. L'équipe est là. Par qui je commence? Allez, par Eki, tu es en plein milieu. Comment ah, ça va, poulet? Écoute, ça va. Cette semaine, ça va. Je suis un peu remonté contre le jeu de la semaine. Ah. Voilà. Parce que il m'arrivait pas mal de merde. Et, sur Rainbow Six? Ouais. Rainbow Six. Rainbow Six. Après, je crois que c'est ma PS4 qui est en question aussi, mais pour pas vous spoiler, en gros, j'ai juste pas pu jouer avec d'autres joueurs en fait. Du coup, j'ai dû le télécharger sur PC. Enfin, c'était super chiant. Voilà. D'accord. Mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Mystère et boules de gomme. Yes. Voilà. Mais carrément. Et puis Goustique est là. Comment ça va, en poulet? Bah écoute, ça va très bien. Ouais. Ça va. Bah écoute, moi je n'ai pas joué à Rainbow Six Siege parce qu'il y a un petit problème. Ah, on a oublié de... en plus tout à l'heure. Oui, bon, c'est pas grave pour ce que c'est. Mais non, bah j'ai pas pu y jouer parce qu'il y a un petit problème de communication dans l'équipe. Mais un petit problème. De... C'est pas grave. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il a eu. Oh là, ton parapluie pourquoi... est très dangereux. Non, mais touche pas à mon parapluie. Vu qu'il a eu le jeu de la semaine dernière pendant une semaine, il m'a dit ouais, on se partagera cette semaine. Et moi, je lui ai répondu non. Voilà. Non, attendez. Voilà. Il y a les messages Facebook, il m'a dit dans mes blaireaux, je suis au JPO. Ouais. Il aura pu dire simplement, je suis au JPO, Goustique. Ouais, non, mais il m'a mis blaireau, voilà. Donc je comprends pas. Je crois que le samedi, moi je fais rien. Je bah, t'es un étudiant, excuse-moi. Hein. Je vois pas la différence entre un chômeur et un étudiant. Non, pardon, excusez-moi. On embrasse tous les étudiants et tous les chômeurs qui nous écoutent. Non, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Bah, sinon, j'ai joué à Borderlands. Donc c'est vrai. Ouais, ah bah oui, c'est vrai que toi tu fais les jeux d'il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Là j'ai fini Mario 64 là il y a 2 semaines. Et sinon ben voilà, vu que demain sort le film le plus attendu de l'année, ben je me suis fait les 6 d'avant. Et ah, les Kirikou. Les Kirikou. Ben Caraba, elle a mal vieilli hein, sur les fonds verts quand même. Hein. Tu sais que j'en ai jamais vu un seul Kirikou. Sérieux? Ah ouais. Non, mais j'ai peur de. Ah mais tu rates un truc. Hein. J'ai peur de. Enfin voilà, il a un tout petit trilili. Ah mais t'inquiète, à la fin Caraba elle prend cher. Enfin bref, mais bon c'est. Non mais ça c'est pas la bonne version. Goustique. Ah bon? À chaque fois que tu te gourres, c'est chiant à force. Mais pourtant quand il la met. Oui, mais quand il y a marqué XXX parodie derrière, c'est pas le bon truc. Voilà. Ça me rappelle un certain film avec pareil des gens et deux nanas qui parlent et ça finit où ils parlent avec une banane. Ah. Ça vous dit rien ce banane. Film? Ah oui, c'est Out Africa. Non, c'est ça. Je crois que c'est ça, ou alors c'est La Cité des Anges, ou je sais pas. Ah ouais? Un truc comme ça. Bon, bref, on s'égare. Ouais. Et puis Dandy est là, comment ça va, poulet? Eh ben, je suis énervé, dis-toi. Mon micro, il marche pas. Déjà, de 1. Voilà, mon micro marche pas, ça me fout les boules. Ouais. Parce que moi, j'aime pas le vert, je préfère le bleu. Eh ben, change la bonnette. Oh là si là. Tu veux. Non, non, c'est ça pue. Les oh la diva, quoi, laisse tomber, quoi. Non, et puis, non, pétage de plomb, parce que j'ai débauché à 4 heures. À 4h, hein, 16h pour les gens qui connaissent pas leur heure. On ouais, embrasse tous les étudiants et les chômeurs. Mon motus. Je suis parti à 4h05 du boulot. Il faut savoir que je mets en général une demi-heure en moyenne pour venir là. En fait, il travaille juste en face de la radio. Hein. Je mets en général une demi-heure et là j'ai mis 2h30. Waouh! 2h30. 2h30. Ah, j'ai pété un plomb. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la rocade bordelaise. Et... Bah, ça va, t'es dans ta voiture, t'écoutes oui, de la musique, sûr, t'es pépouze. Ouais, j'ai l'écoute de radio, peinard. Voilà, genre, c'est ouais, ça. Bah oui, bah, super. Hyper corporate. C'est clair. Bon, t'as joué à quoi cette semaine? Fallout. J'ai essayé de me mettre bien à fond dedans et j'ai bien avancé dans le jeu. Je pense d'ailleurs être quasiment à la fin. Et j'avoue que. T'as retrouvé ta fille ou... Oui, j'ai retrouvé mon fils. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est un fils. Mais il s'est transformé en fille entre temps. Mais bon, alors justement, je vais pas faire de spoil, mais par rapport aux sinon, hypothèses. Sinon, j'ai le spoiler alerte. Si tu y as un spoil, je mets un coup de pouette. Vas-y. On va spoiler là? Non. Bah voilà, je vais pas. Alors. J'ai dit sans spoiler. Mais on en a parlé déjà la dernière fois par rapport aux hypothèses qu'on avait faites. Les hypothèses avec un Z. Oui, comme des hypothèses. Bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Comme zèbre. Exactement. Oh. Et puis merde. Attends. J'ai même pas envie de me là. C'était bien parti là tout d'un coup. Non, et puis, oh, merde. Merde. C'est pas comme si j'étais en direct. Hein, J'ai pas envie de me battre ce soir. Ok. Ok. Voilà. Non, mais parmi les. Hypothèse. Les hypothèses. on en avait une qui était très proche. Ah ouais, ok, très très proche. Et voilà, celui où il s'appelle Jason et qui c'est un fumeur de crack. Ouais. Exactement, tu le retrouves dans la rue. Ce serait super marrant qu'en vrai, tu sais, ce soit un ton soit peu réaliste et qu'à cause du nucléaire, tu le retrouves avec 5 bras, un truc dans le genre, tu vois. Ouais. Non, mais par contre, voilà, après, bonne surprise, comme le dirait notre cher ami Goustic. Je t'en prie, parce que tu t'attends pas à la deuxième partie du jeu en fait. On va dire, t'as deux parties, t'as une partie où tu t'y attends. Et la partie non, où tu t'y attends pas. Une partie ouverte où tu évolues dans la carte et après t'as une partie, on va dire, entre guillemets, souterraine. Oh. Aha, ah. Et on s'arrêtera là pour voilà, pas l'agrandir. Voilà. Ouais. Voilà. Yes. À la fiber. Et toi, ce que tu disais là avec les 5 bras, ça me rappelle une petite blague. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte? Oh là là. Allez, vas-y. Allez, devant tant d'insistance, c'est 3 mecs qui discutent, puis c'en est un qui fait, bah moi, avec un tir de fusil, j'arrive à tuer 3 bisons d'un coup. Bah arrête tes conneries, je te jure. Bah fais voir. Ok, il prend son fusil, ils vont dans la savane. Il tire, pam, 3 bisons d'un coup. J'allais dire des zombies. Trois zombies. C'est l'habitude. 3 bisons d'un coup. Tu vois, c'est chaud. Il dit, oh putain, t'es trop fort, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Bill. Buffalo Bill. Ce gars est nul. C'est pas la fin, connard. Mais tais-toi. Et il dit, ah putain, t'es trop balèze. Eh bah moi je fais pareil, mais avec des crocodiles, mon pote. Arrête. Bah je te montre. Il prend un fusil, il tire, bam! 3 crocodiles en une balle. Je fais, putain, c'est un truc de ouf, comment tu t'appelles, toi? Moi, je m'appelle Crocodile Bill. Putain, il est balèze, lui. Puis t'as le troisième, il fait, bah, moi, les gars, en une fois, je peux coucher avec 3 meufs d'un coup, quoi. Bah, arrête tes conneries. Bah, je te montre. Ils y vont, et hop, il y a 3 filles, hop, tac. Oh, putain, t'es trop fort, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Bill. Tchernobyl. Ah oui. Ah ok, d'accord. Si tu veux, moi j'ai une blague plus drôle, mais qui concerne les bras aussi. Ah bah allez, très rapidement, ouais, parce qu'on va... elle est super rapide. C'est une nouvelle émission qu'on essaye d'inventer. Les grosses têtes sur radio et blagues. Les Mister Blagues. Après rire et chanson, blagues et musique. Van et Geek ce soir. Non, qu'est-ce qu'il y a? 4 pattes, un bras et qui court très vite. 4 bras. 4 pattes, un bras. Et qui court très vite. J'ai peur. J'ai peur de pas assumer en fait. Tu sais pas? Non. C'est un pitbull dans un jardin d'enfants. Elle est super. Jolie, jolie. Elle était cool. Pourquoi tu me houtes? Forcément. Elle est trop trash. Ok. Et puis moi j'ai passé une bonne petite semaine. Attention, j'ai fini Just Cause. Ah voilà. Ouais, donc, spoiler alerte. T'es bien seul. Voilà, comme ça j'ai essayé mon jouet. Attends, je peux même faire des petits canards avec. Oh, il y a des poussins dans le studio. Oh, c'est mignon. Mange-les. Ouais, j'ai fini Just Cause, donc spoiler alert. La fin, c'est un truc de ouf en fait. Tu te bats contre le méchant. Alors fermez-vous les oreilles, hein, si vous les fermez comme ça. Hop. Vous les repliez comme une enveloppe. C'est ça. Et ouais, non, en fait, le grand méchant est dans un hélicoptère. Et toi, t'es au cœur d'un volcan. Il vole au-dessus de ta tête. Et le but du jeu, c'est que quand il a plus son bouclier, genre toutes les 30 secondes, tu lui tires dessus. Et en fait, je me suis caché derrière un petit... On dirait un méchant de Ratchet & Clank, quoi. Ouais, bah c'est un peu ça, ou Mask. Je sais pas si vous voyez Venom, le méchant dans le dessin animé Mask. Ouais. Et en fait, je me suis caché dans un endroit. Et sans perlipopette, sans le faire exprès, bah le boss, il s'est tué tout seul. Sérieux? Ouais, il volait comme ça. Et les hélices se sont pris dans un petit monticule de lave. Et il est mort tout seul. Ah ouais? Voilà. Fin de la spoiler alerte. C'est vraiment un jeu de merde. Ah ouais, non, mais carrément. C'est un truc de où j'ai halluciné, quoi. Mais t'aurais dû le streamer, cette partie-là. Eh ouais, mais en ce moment, je stream pas, j'ai pas trop le temps. Mais et puis, je m'en doutais. Tu fais voilà. Cher et puis tu peux reprendre le truc d'avant. Je crois que c'est trop tard. Ok. C'était hier. Je crois pas, je crois que c'est mort. Bon, bref. Et puis, tu parlais de Ratchet & Clank. Tiens, je me refais le 1, 2, 3 sur Vita. Ah ouais? Ouais, carrément. Ils sont à moins de 15 balles. Tu m'étonnes, en même temps, c'est pas pour les jeux qui courent sur la Vita. Gna gna gna gna. J'avoue. Non, non, carrément, ouais. Non, franchement, ils font plaisir, ils sont cool. Par contre, c'est chaud, hein. Putain. C'est chaud, hein. Ouais. Là, en fait, Ratchet & Clank, le principe, c'est que plus tu meurs, plus t'es nul, en fait. Ouais, c'est ça. Là, t'es un boss, genre, t'as 200 grenades, t'en jettes 10. Tu meurs, tu reviens au boss, il t'en manque 10. Ouais, donc plus tu vas mourir, et à la fin, t'arrives devant le boss, t'as rien. Et t'es là, fait, bon. La taille, ça compte sur PSP. Et, ah, ça te parle, ça. Et le boss de fin, je t'emmerde. Et, et le boss de fin, j'ai arrêté, du coup. J'ai jamais su la fin parce que ça me saoulait trop. Ouais, voilà. C'est tendu quand même. Ouais, franchement. Ouais. Mais en tout cas, c'est pas désagréable. Et puis, tiens, ouais, demain, sortie mondiale. Bah non, même pas sortie française. Eh oui. Sortie française de Star Wars. On a la chance, grâce à nos amis de Mandora qu'on embrasse, d'aller à la première séance demain matin. Donc on verra Star Wars en premier. Voilà. Et on n'hésitera pas à tout spoiler. Voilà. Ouais, carrément. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. En fait, surveillez bien la page Facebook de La Voix du Geek. Dès demain vers midi 13h, on balance tout. Et là, vous allez pleurer. Et chaque jour, j'en mettrai un petit peu. C'est le relou, quoi. Ouais, au moins, ce qui est cool, c'est que voilà, ce qu'on disait avec Goustique, on sera pas emmerdé à se dire, bon, je vais pas sur Facebook là parce qu'il y a trop de spoils. Ouais, au moins, on saura tout direct. Oui, prenez... c'est vrai. En tout cas, ils sont à jour Disney parce qu'on, nous, en tout cas, au magasin, on a reçu déjà tout le set des Disney Infinity du film. Ah oui, yes. C'est... Alors, je sais pas toi si c'est le cas, mais ils sont à jour. Après, ils ont tout prévu. J'ai pas bossé aujourd'hui. Tout est là. Mais après, il y a déjà des critiques du film, mais apparemment, c'est le meilleur Star Wars de tous les temps. C'est vrai? Ouais. C'est le Sick Magazine qui a dit ça, et c'est un bon magazine. C'est Kebab Magazine qui a dit ça. C'est, ouais, d'un grand magazine de cinéma, Téléstar. J'ai lu un article dans Télépoche récemment, que le prochain Star Wars envoyait grave le pâté. Ah ouais, non, je te jure. Télérama était très content, quoi. Et dans Babouche Magazine, à un moment, il faisait tout un topo sur Star Wars. Il a presque eu la même note qu'Aladin, dis donc. C'était Aladdin qui était un film incroyable. Oui, on s'en souvient un encore. Un chef-d'œuvre. Ah, oui, la légende dit qu'il est encore premier au box-office. Non, mais c'est ce qui paraît. Bon, bref. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook et sur Twitter ou à vous abonner sur la chaîne Twitch. Pour Bloodborne, on fera ça en fin d'émission. Genre vers 20h. Voilà, histoire que vous puissiez rester en fait tout le long et que vous veniez pas juste écouter pour le voilà, moment. Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le métier l'appât du gain. Voilà, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, tiens, grosse news, mardi prochain, c'est l'émission de Noël. Hein. On fait une grosse émission, on vous fait gagner plein de jeux et une Wii U. Ah bon, ouais. Oh. Mesdames, messieurs. Wow. Ah bon. On vous fait gagner une Wii U. Non, c'est t'étais pas ça. T'étais pas au courant. Ah bah non. Ah. Arrête, il s'est flippé. C'est lui qui m'a dit hier, bon. C'est vrai. Quel connard. Le mec il s'y merde, on l'a dit, mais on va pas pouvoir faire. Eh bah, ben je vous enverrai la mienne. Pour les jeux qu'il y a dessus. Si, qui sert bon. De quelle c'est porte bon. C'est bon. Non, mais on vous fait gagner une Wii U la semaine prochaine, donc ça c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Carrément, un beau cadeau de merde, tiens. On a le droit de participer, parce que. Eh non! J'en ai que deux gars. À la maison. Là, le mec. D'ailleurs, dans les petites étiquettes, hein, là, pour Bloodborne, j'ai enlevé Kogu, hein. Parce que. Si tu dis, avec la chatte qu'il a, il va gagner, quoi. S'il était pas là, c'est ça? Non, mais parce que, voilà. Parce que ça soit un auditeur qui gagne et pas nous. Oui, bah oui. Bon, bref, est-ce que vous voulez que j'envoie la musique des news? Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, je le sens bien, t'en penses quoi? Moi, je suis plutôt partant, ouais. Allez, c'est parti. C'est ça. Eh ben je vous en prie, comme ça je vais lire un petit peu le chat. Mais vas-y Boustique, vu que t'es premier. Eh ben écoute, ouais, carrément. Non, en fait je peux le faire. Non, écoute, okay, je vais parler d'une news très intéressante. Je vais parler de Mad Max en plus. Ah. Je vais parler de Mad Max Fury Road, l'un des plus gros cartons cinématographiques de l'année 2015, ouais. Avec le très regretté Jurassic World et je pense que aussi Star Wars. Le très regretté et le très regrettable en fait. Ouais, le très regrettable. Voilà. Très regrettable. Et puis là demain Star Wars qui sera un gros carton aussi. Merci mes boules. Ou pas. Non, mais honnêtement ça va marcher, je pense. Après. Il reste à voir au niveau scénario. Eh bien, George Miller a annoncé récemment qu'il y aurait peut-être une prochaine sortie de Mad Max Fury Road, mais là en version noir et blanc. Ah, mais oui, ouais. C'est bizarre. Il semblerait, parce ouais. que selon lui, quand on fait un film post-apocalyptique, il y a deux façons de le faire, soit de le faire en noir et blanc, ou soit de le faire avec des couleurs vives. Et récemment aussi il a dit quand c'est du noir et blanc on a l'impression que c'est du film d'auteur. Je sais pourquoi il met cette musique. C'est quoi ce délire? James C. Fay vous embrasse. L'amical du geek vous embrasse. Non, mais je vais expliquer. Vous avez, ça, c'est vous avez l'air de bien ça. Vous marrer sans moi, ça me saoule à force. Voilà, on écoute hein. Ouais. Ouais, c'était encore sur le PlayStation machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez joué à quelque chose? Oh bah écoute, voilà en fait, je vais expliquer un petit peu. Vendredi dernier, l'amical du geek fait souvent des streams sur Rocket League. Et ouais. En fait, je suis venu, voilà, vite teuf et tout. Et puis, voilà, tu me connais, branleur que je suis. Non. Je leur ai mis dans la tête On est champion, la chanson de Johnny Hallyday en fait. D'accord. Donc, du coup, encore un mec chiant, ouais. Voilà, ouais. Il me déteste beaucoup. Et je les remercie. Et voilà quoi, donc du coup, ils ont voulu un petit peu troller cette émission. D'accord. Je crois que l'Infernal a le goût du troll aussi. Ouais. Oui, oui, aussi. Bah, il a le goût du troll de la caravane aussi. Donc, Du coup, Mad Max Noir et Blanc. Ouais. Oui, Mad Max Noir et Blanc qui sortirait. Alors, à la base, il devait sortir en DVD et en Blu-ray dans une édition collector, mais ça ce n'est pas fait. Et du coup, il ressortira normalement dans quelques salles ciné aux États-Unis. Reste à voir si c'est une sortie internationale. Et ça serait bien de voir Mad Max en noir et blanc. Et quoi. J'ai cru entendre que ça s'appelait Nyctalope HD Definitive Edition. C'est vrai ou pas? Ah, c'est possible. Ah, peut-être. Là, et ils vont même sortir quoi là tout d'un coup. Et qui vous regarde en mode, il est sérieux? Non, parce que gueule, en vrai. Ouais, ouais. Mais non, mais apparemment, ils vont même sortir le film en noir et blanc à colorier toi-même. Oh, trop bien. Tu colories image par image sur la télé, quoi. Non, mais t'as pas fini. Hein. Comment tu niques ton écran 4K, quoi? Bah, encore vaudrait-il avoir un écran 4K. Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai. Allez, Iki, je t'en prie. Ok, et ben moi, ça tombe bien que tu sois en train de faire Fallout 4, mon petit dandy. Parce que en fait, il y a un mec qui a un peu j'ai envie de pourrir ta news comme tu le fais à Goustique pour le venger, mais je vais pas le faire. Un mec qui a un peu un gros malade mental dans sa tête, c'est un mec qui est sur Reddit. Putain, fermez vos gueules quoi. Le AT-AT qui l'a refait dans mais sa non, maison. Mais non, non. C'est ça. Du coup, si t'as que des news de merde de sites français, bah tu fermes ta gueule. Bon, ben non, okay, tu voilà. Passeras ta news hein, parce que non. C'était AT. Et du coup, en fait, sur Reddit, qui est un des espèces de 4chan version jeux vidéo et autres d'internet, ce mec en fait a balancé un compte imaguaire d'une centaine voire de plus de screens en fait, où il a décidé de faire toute la map. Mais genre la partie sous-marine. Et du coup en fait il y a trouvé des trucs franchement cool au final. Et par exemple il a trouvé c'est des easter eggs tu vois après. Mais il a trouvé un bateau qui s'appelle le Meowbout. Et qui est un bateau tout simplement en fait avec des peintures de petits chatons. Mais il a aussi découvert une armure du coup sans utilisateur qu'il a pu utiliser après. Sous l'eau? Ouais. Est-ce sous qu'elle l'eau. Avait un bonnet rouge? Non elle avait pas. C'était pas l'armure de Cousteau alors. Non mais voilà, il a trouvé une power armure. Il a aussi trouvé en fait des traces d'un éventuel DLC parce que clairement les fonds sous-marins de Fallout 4 sont aménagés. Il y a énormément de choses en fait qui sont à l'intérieur qui montrent qu'à la base ça devait être une partie qui était vraiment praticable et vraiment digne d'intérêt et finalement sûrement avec le boulot qu'ils ont eu ils ont pas pu en fait plus l'améliorer que ça. Mais le mec qui a balancé les screens selon lui est catégorique, y a moyen qu'il y ait un gros DLC derrière qui sorte. Et au-delà de ça il y a aussi découvert des nouvelles espèces de mobs en fait mais mortes qui sont des comme espèces dans le de... slip de Ghostic. C'est ça. Des morpions, pas des mobs, qui sont en fait des espèces de dauphins, mais avec des dents, tu sais, ensanglantées, bien dégueulasses, genre des dauphins qui ont muté, quoi. Alors ça, qui sont pour la plupart. Ça, tu les as déjà dans le jeu sur des bateaux de pêche. Oui, mais sauf que là, ils étaient différents parce que leur skin était différent. Comment il essaie de pourrir ta news ouais, là. Ouais, tu fais chier. Non, déjà. C'est juste pour que le gars se la pète pas, qu'il a et découvert un truc. Quoi. Non, non, là, ils avaient des skins différents. Ils avaient, enfin, j'ai pas regardé tous les screens après, mais ils avaient l'air d'avoir des armures un peu cheloues, tout ça. Ah ouais, parce qu'il y avait un scaphandre alors. Ouais. Au passage, ouais, du coup, quoi? Bah l'armure qu'on a elle permet pas d'aller sous l'eau. Si si. Ah bon? Si bah oui, c'est un jeu vidéo. T'es à l'air quand même. C'est un jeu vidéo. Tu peux aller sous l'eau. Mais tu peux aller sous l'eau. Et tu as une compétence où tu peux respirer sous l'eau. Ah voilà, ça explique tout. Voilà. Ouais. Mais oui, parce que tu sais, le nucléaire, tout ça, les branchies qui poussent sur le coin de ton cou. Donc voilà, et du coup en fait ce mec est persuadé qu'il va y avoir un DLC qui va sortir dans l'année qui arrive. Sous l'eau justement parce qu'il y a énormément de contenu et le mec a vraiment fait 100% de la map aquatique sur Fallout 4. Donc okay. Voilà. Ah bah ça vient de tomber, le DLC s'appellera branche. Voilà, bravo à lui. Eh bah vas-y Dandy, c'est bon Dandy, tu peux y aller. Le désespoir. Essaye, dans son non, essaye le micro. Il se casse, je crois. Il va se barrer. Je crois qu'il se casse. Je me barre. C'est bon. Je quitte ce plateau. Je vous prierai d'arrêter, s'il vous plaît. Oui, ben bah, je vais parler pareil de Fall 4. Fall 4. Fall 4. Non, juste un petit truc comme ça, sympa que j'ai trouvé. J'ai pensé à toi, Goustique, qui aime bien Tortue Ninja aussi. Ah oui. À un moment donné, quand décides de t'allier avec une confrérie en particulier dans le jeu, ils te demandent tout simplement de choisir un nom de code. Alors il commence à t'en proposer 2-3. Je dis, vous avez pas de choses? Il me dit, ouais, si vous voulez. Et puis moi, je tombe sur Ninja. Je me dis, yeah, je vais m'appeler Ninja, tu vois, nickel. Alors je dis, je m'appelle Ninja. Non mais déjà Ninja c'est naze, c'est pas un oui, prénom. Oui bah c'était le meilleur de tous, alors excuse-moi. Bah, je... par, par dépit quoi. Excuse-moi, ouais, voilà. Le chanteur de The Antwoord, il s'appelle Ninja. Hein. Oui ouais. Mais c'est... Voilà. Bon, bref. Non mais si, ben oui. Niveau voilà. Argument de merde, on fait pas mieux. Oh là là. Bon bref, et au bon, final, j'ai trouvé le petit truc sympa parce que la nana te répond quand tu dis ouais, tu veux t'appeler Ninja, elle fait mais t'aimes les tortues? Non, je déconne. Tu vois, t'as un petit côté aussi où tu sens qu'il y a un peu de pop culture. Ils font des références à pas mal de trucs. Tu le disais, je pense que dans les fonds marins, il doit y avoir aussi quelques petites références par-ci par-là. Il y a Captain Igloo, je crois. Ouais, voilà. Il y a ouais. Beaucoup de baignoires avec des gens, enfin tu sais, des squelettes qui sont allongés dans leur baignoire. Il y en a même un qui tient un nounours. Non mais ouais, des fois il y a des trucs bizarres. Amusés, des fois tu trouves des nounours avec des cigares dans la bouche. Ou ouais. Moi j'avais trouvé un, il avait un scalpel, il était en train de découper un autre nounours. Ouais, ouais, enfin, voilà, c'est le côté sympa, tu vois, t'as de la déconne, mais ouais, c'est la le côté sympa, ouais. Si, si, si, voilà. Sinon, en vraie news, parce que ça n'était pas une, j'ai une petite news sur Nintendo qui apparemment a décidé d'arrêter. Qui a terminé, voilà, c'est bon. Ils ont terminé de développer un jeu qui serait apparemment un free-to-play lancé en début d'année prochaine aux États-Unis et qui utiliserait uniquement les Amiibo. Enfin, si je reformule bien, en gros, c'est pour jouer à ce jeu. Voilà. Pour jouer à ce jeu, il faudra que t'achètes des Amiibo parce que c'est ça qui va te débloquer du compte. J'en ai plein le cul. Donc en gros, ils te disent free to play, mais au final, il est pas si free que ça parce que t'es obligé d'acheter des Amiibo. Et en plus, ils ont dit que, alors apparemment, hein, c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais il y aurait une certaine période où il serait gratos et après tu devrais le payer si tu passes le délai du truc. Et il faut avoir parmi tous ceux qui sont sortis des Amiibo qui sont compatibles pour pouvoir activer le jeu. Enfin bon, bref, en gros. Est-ce que tu peux couper la musique, l'infernal, deux secondes? Je voudrais envoyer un message à Nintendo. si ça te dérange. Attention, pas. L'heure est grave. Non, Nintendo. Alors déjà, c'est Nintendo. Du fond de mon cœur, Freakendo, pardon. Du fond de mon cœur de fanboy, allez bien vous faire foutre. Ouais. Waouh, bien joli. Allez bien vous faire foutre. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai fini. D'accord. Bon. Mais on a perdu tous les investisseurs qu'il y avait pour les machines. Non, non, mais bon, il y a un moment où faut arrêter de déconner, bordel. Je veux dire, déjà, le dernier Nintendo Direct, c'était une purge. Ah bah oui, non, mais bon. C'était genre, on ressort tous les vieux Megaman qui nous a fallu à peu près 10 minutes pour exporter sur une console virtuelle. mais avec ça, on te donne un nouvel Amiibo, qui est l'Amiibo Megaman de base, sauf qu'on a mis une peinture dorée dessus. Tu vois, il y a un moment où t'en as franchement marre d'avoir tes jeux en kit avec de la vaseline en DLC. Non, mais carrément. Et tiens, ça tombe bien que t'en parles, parce que tu vois, y a t'en parlais tout à l'heure des figurines, justement, Disney Infinity. Et en fait, ils ont sorti, donc il y avait Yoda, Obi-Wan, Luke Skywalker et Dark Vador, que moi j'ai acheté le premier cycle, et là ils les ressortent, sauf que quand tu poses la figurine sur le socle, le sabre laser est lumineux. Oh là là, mais sérieux. Putain de merde. Ah, tu vois le délire quoi. Mais c'est dingue. C'est sorti il y a quoi, il y a un mois et demi, deux mois peut-être. Ouais, quoi, ils ont merde Jean-Jacques, la production là, on si a ça, non, mais le, si le ça c'est circuit. Pas si ça c'est pas du business en vrai, bah, de se dire sûr. Vas-y, laisse-les acheter et puis dans deux mois pour Noël on ressort les mêmes, sauf qu'ils sont hyper cool, tu vois, avec le sabre laser qui s'allume. Putain, c'est... enfin tu vois, c'est un truc de fou. Et en parlant c'est de ça, c'est ces mêmes mecs là qui à l'IDEF font des ventes de vin et compagnie, hein, au final, hein. C'est vrai, voilà quoi. Et du coup, en même temps, avant qu'on s'écoute le scud, je voulais vous parler d'un truc, c'est les promos qui en ce moment sur le PSN. Oula, ah oui qui sont quand même assez magnifiques en ce moment. Mesdames, messieurs, comme au rayon saucisson et charcuterie, en ce moment, déjà vu, quoi. Pour un jeu acheté, vous avez un jeu offert. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une liste de jeux. Il y a The Order, The Last of Us, Until Dawn, Le Tour de France, Divinity, Watch Dogs. Le Tour de France. Ouais, j'ai tout noté, t'inquiète. Et j'ai fait un petit comparatif des prix, c'est un truc de ouf. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces jeux, la semaine dernière, coûtaient 29€. Ouais. En fait, ils étaient à un certain prix. Ça allait de 30 à 50 en démat, hein. Ouais. Ils sont tous passés à 29€. Je le sais parce que moi en magasin j'ai dû changer les prix. Ouais. T'as dû le faire, ouais, aussi. Pareil. Donc on les a tous réétiquetés. Donc c'est des jeux qui coûtent 29€ actuellement. Et okay. Maintenant, en moyenne 29€. Hein. Et maintenant sur le PSN vous avez un jeu acheté, un jeu offert, et tous les jeux sont passés à 49€. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, ouais. Et en fait dans la liste de tous les jeux à 49€ sur le PSN, The Order, il coûte 29€ en magasin. The Last of Us, 29. Until Dawn, 29. Tour de France, 29. Divinity, 54. Il est un peu moins cher. Ouais. Voilà. C'est le seul. Watch Dog, il coûte 19€. 49€ en dématérialisé sur la console. Non, mais tu te rends compte, le truc de ouf. Et le mieux, quand même, le plus magnifique, c'est Evolve. Evolve est à 49 euros en ce moment en promotion sur le PlayStation Store. Il, est à 9 euros. Il est à 9 euros en magasin. Oh là là, sérieux. Mais c'est un truc de malade en vrai. Oh la quenelle. Bon, pompe Afrique. En fait, je crois que c'est les Japonais qui sont pompe Afrique. Aussi bien Sony que Nintendo. Je sais pas. Moi, plus ça va, plus je pense que je vais me tourner vers le jeu indépendant. Ou le jeu de société. Et que surtout, si j'ai le jour où on peut craquer sa PS4 ou sa Wii U ou toutes ces conneries là, je pense que je le ferai. Mais je le ferai genre avec fierté. Parce que avant ça, à l'époque, quand tu craquais des jeux sur PC ou quoi, tu te sentais un peu coupable. Autant maintenant qu'ils aillent bien se faire foutre quand même. Enfin, moi, c'est mon avis. Oh, le rebelle. Voilà. Donc non, voilà, non, les voilà, petites promotions, quoi. Quand t'as une passion dans la vie et que tu vois juste des mecs en costard cravate comme des pingouins qui foutent la merde dedans, bah, ça te met juste en colère, en vrai. C'est ça. Et voilà. Pour se détendre, on va écouter du son. Et c'est Dandy qui l'a choisi, le morceau. Ah. Alors, comment il s'appelle? Grum. Ah. Et donc, ça sort d'où, ça? Bah, de la lumière. Des États-Unis. Des États-Unis d'Amérique. Bah, c'est un truc de déglingo, mon pote. Allez, les 19h30, vous écoutez toujours La Voix du Geek et nous on revient juste après Grum. Vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez Eau de Radio, vous écoutez sur 91.3. Allez, on est de retour dans La Voix du Geek sur Eau de Radio 91.3 en Aquitaine et sur eauderadio.net pour le reste de la Gaule. On est toujours en direct. Dans un instant, on fait le tirage au sort pour savoir qui repart avec Bloodborne, mesdames, messieurs, et celui qui gagne. J'insiste bien, je veux qu'il nous envoie des photos sur Twitter ou Facebook de lui en train de galérer, quoi, ou des vidéos, quoi. Mmh. Parce que moi, ce jeu, il est dans mon étagère, en fait, et j'arrive pas. Et tu sais d'ailleurs qu'il y a le DLC qui est sorti, et même pour jouer au DLC, c'est galère. Ouais, carrément. Parce qu'il faut commencer le jeu, rebattre le premier boss, parler à un truc, un PNJ, aller dehors, se balader, attendre qu'un bonhomme te chope, et machin, et t'amène dans le monde. Enfin, c'est galère. Le DLC, tu le débloques pas easy, quoi. Ça te prouve bien déjà. Bienvenue dans le DLC, ma gueule. Tu vas en chier grave. Non mais carrément, ouais. Carrément, c'est assez tendu. Tiens, je fais une petite parenthèse sur Twitter. Il y a Moumout qui nous fait bisous caca avec les filles. Je peux pas être sur le live, mais je vous écoute. Bisous. Bisous à toi. Bisous. La Voix du Geek 13, 19h13. Je m'améliore. Bonjour les copains. Bisous Kalec. Salut ouais. Kalec. Donc n'hésitez pas à faire comme eux si vous voulez nous voir en vrai, en image. Twitch.tv/ La Voix du Geek, la voix avec un E. Voilà, comme ça vous nous verrez en live. Et je vois que ça posait des questions. Le morceau, c'est Grum. Through the night. Through the night. Through the night. Oui. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est cool. Tout, ouais. C'est un petit peu ringardos, tout comme on aime. Ouais. C'est parfait. Voilà. Allez, je mets comme la bande son de Rainbow Six, comme ça va tourner et on est peinard. T'y arrives pas, hein? Rainbow Six. Non. C'est pas que j'ai des antinois. Rainbow. C'est parce que c'est mon côté adiatique. Rainbow Six. Oui. Placement de produit. Alors, on a encore quelques news à faire. De toute façon, ce soir, on a le temps. Et puis, juste après 20h, on fera le test du jeu de Rainbow Six. Voilà, ça te plaît comme ça? Rainbow. Rainbow Six. Tiens, allez, moi, rapidement, il y a Unravel. Je sais pas si vous voyez Unravel. Unravel. Yes, it is, in English. Qui a trouvé une date de sortie, donc le 9 février. Ah. Ça peut être sympa, le petit bonhomme. Ouais. Le petit bonhomme rouge, là? Moi, je trouvais ça cool. En laine. Ah, oui, d'accord. Okay. C'était la ficelle. Ouais, c'était une petite surprise. C'est un peu chelou, quand même. Alors, à la base, ça devait être un Tampax qui était utilisé. Mais ils se sont dit qu'il voulait pas rouge. Un Peggy 18, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un peu compliqué, donc. Donc, on sait qu'il sort le 9 février et qu'il coûtera 19 euros. Et puis il y a Trine aussi, tiens, Trine 3. Alors je sais pas si vous aimez, mais moi je suis un gros fan. J'embrasse Kogu qui est pas là ce soir, mais avec qui on a bien saigné le 2, à chercher toutes les petites boules partout et tout. Et donc le 3, alors il a pas de date, mais on sait qu'il sortira sur PS4 avant Noël. Là cette année? Bah non, dans 2 ans. Bah non, mais après peut-être 2016. Oui, non, Noël. Mais t'imagines avant le teasing. Noël, mais on vous dit pas quel Noël. Voilà, c'est ça. Alors Trine 3, il sortira avant Noël, les gars. Mais un de ces Noëls à jour, à l'occasion. Les gros trolls. Non, non, avant ce Noël-là. Et puis tiens, pour ceux qui se poseraient la question aussi, qui se demanderaient où ça en est, le chapitre 2 de King Quest sort demain. Donc ça fait plaisir. Donc c'est sûr, il sort demain, c'est sûr. Ouais, okay. Il est déjà en téléchargement aujourd'hui. Il se fout de ma gueule. Il croyait que j'avais pas compris, quoi. Nya nya nya nya. Allez, tu veux, comme tout à l'heure. Nya nya nya. Bon bref, si vous avez quelques news à faire, les poulets. Oui, une petite news. Ben, je vais vous parler d'un jeu vendredi 13. On dirait du U2. I'm in love. Rainbow Six, together. Bono et U2 dans le prochain jeu d'Ubisoft. Jean Bono. Jean Bono siège. Tintin. Le nouveau DLC de Rainbow Six siège. Rainbow Six fauteuil. Allez, vas-y, enchaîne, Goustic. Là, on est en train de s'enfoncer. C'est plus des rames qu'on a, on est en aviron, là, mon pote. Non, mais je te laissais dans ton délire, c'était très sympa. Ah, d'accord, oui, non, mais tu sais, moi, faut me laisser. Non, mais. Les mecs, ils essaient d'avancer, t'as l'encre qui est déjà au fond. Ah, ouais, c'est clair. Non, je vais vous parler de Vendredi 13 parce que il fait l'objet d'un jeu vidéo. Alors, à la base, c'était une campagne Kickstarter qui a bien marché et qui a eu un peu plus que son budget initial. Et du coup, on a pu voir une vidéo de gameplay, enfin une vidéo de gameplay, une vidéo commentée par les développeurs, comme quoi qu'est-ce qui va nous attendre sur ce prochain jeu. Il faut savoir qu'il sort en octobre 2016 sur Xbox One et PS4. Et en fait, honnêtement, ça ressemble un petit peu à du Until Dawn, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une sorte de map, vous allez avoir plusieurs points. Et les points jaunes, en fait, c'est les différents personnages que vous allez incarner. Donc, à un moment donné, je sais pas, vous êtes dans une cabane, vous êtes en train de baiser une nana, vous arrivez à ce moment-là, en fait. Oui. Et du coup, après, il y a un autre point, le point rouge. Mais ce fameux point rouge, c'est là où on va incarner Jason, en fait. Mais ça va être Jason. C'est Jason. Ouais, moi, je l'appelle Jason, voilà. Jason. Le mec perd direct de la crédibilité, c'est tu clair. Sais. Il y a un mec avec un couteau, il s'appelle Jason, il veut me tuer, quoi. Jason, pas, moi, d'ailleurs, j'aime bien Jason. Qui fait partie des DLC du dernier Mortal Kombat. Hein. Oui, ah, qui a 20 balles. Oui, avec train, oui, oui. Ils sont en train de faire n'importe quoi avec les DLC. Mais tu sais qu'il y a l'alien aussi, hein, dans Mortal Kombat. Ah oui, il y a l'alien, il y a le mec de Massacre à la tronçonneuse. Il veut même incruster des Gremlins, apparemment aussi. Sérieux? Non, je te jure, ouais. Moi, j'y jouerais s'ils mettent la poupée du film Saw. Ça pourrait être cool. Avec son petit tricycle et tout, elle arrive comme ça. Tu fais des combos et tout. Finish it. Ou alors le human centipede. T'imagines le truc, mon gars. Eh, tu prends qui comme bonhomme? Comment il s'appelle, le mec de Saw? C'est Jigsaw, il s'appelle. Jigsaw. Billy the Puppet. Genre, il va arriver, mon gars, sur son petit vélo. Finish it. Pas mal. Finish it. Il envoie des ondes sonores. Eh ben, moi j'ai terminé, hein, depuis tout à l'heure. Donc, allez, vas-y, avec qui? Mais moi du coup je voulais vous parler d'un petit gars sur internet, encore une fois, parce que internet c'est un peu le Squeezie. La source. Pardon, non, d'un petit gars, un vrai homme. C'est ce que je veux dire. Avec des poils sur le torse et tout. Voilà, quoi. Tu vois. En fait, qui s'est amusé tout simplement à imaginer et à balancer des footage de ce à quoi pourrait ressembler Animal Crossing sur Wii U, je veux dire un vrai jeu Animal Crossing. Oh, j'ai vu ça, c'est excellent. Ouais, parce que bien sûr, Frikendo en fait a décidé de sortir. Ah, maintenant les appellent comme ça, c'est officiel. Quoi. Et c'est Frikadel et Nintendo, quoi. Frikendo pour suivre. Frikendo a décidé en fait de sortir un jeu Animal Crossing sur Wii U, sauf que c'est un jeu en fait dans lequel tu achètes des amiibo Animal Crossing et où après que tu aies acheté ces amiibo. Tu vois le principe d'un jeu de plateau, tu vois la Mario non. Party. Imagine... Un jeu de plateau, genre comme les serveurs dans les restaurants. Non, imagine oui. Un Mario Party, ok. Ouais. Sauf qu'à chaque fois, quand t'avances sur une case, t'as tu pas recules. Un mini-jeu. Il se passe rien et t'as juste une petite action, genre tu gagnes de la thune, tu vois. Bah, c'est le jeu de loi de base. Quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'ils ont décidé de créer, voilà, sur Wii U, avec tout le potentiel qu'avait cette machine et tout le potentiel qu'avait Animal Crossing. Et du coup, il y a un mec qui a été un peu frustré sur Internet. Et qui a décidé de refaire entièrement, mais genre vraiment avec ses petites mimines et ses petits logiciels. Comme c'est 3D. Mignon. Et là, je peux vous assurer que c'est franchement du boulot. Entièrement, ce à quoi aurait pu ressembler Animal Crossing Wii U. Si ça avait pas été Nintendo, je t'aurais dit que c'était une super technique pour se faire embaucher, mais là, il risque juste de se prendre une attaque en justice. Ouais. Parce que voilà, c'est Nintendo. Mais au final, n'empêche que ce mec est clairement talentueux, qu'il a balancé tout un tas de petits concepts qui pourraient être sympas pour Animal Crossing et qui surtout en fait a recréé tout un Animal Crossing sur Wii U. Bien sûr, ça doit être plus du côté film d'animation que du côté jouable, genre jeu vidéo, mais n'empêche que si un mec est capable tout seul de faire ça, bordel de merde Nintendo, qu'est-ce que vous branlez. Voilà, mais en tout cas je balancerai la vidéo sur la page de la web du geek. Ça marche. Et franchement félicitations à lui, j'ai plus son nom sur le bout de la langue, mais je le balancerai avec la vidéo. Félicitations à lui et franchement c'est du boulot et c'est super bien réalisé, quoi. Voilà. Yes. Bah et toi Dandy, t'as quelque chose? Non, j'ai plus rien. Voilà. J'ai tout merci donné. Les bouchons. Ces bonnes paroles. Non, bah voilà, merci les bouchons. T'as vraiment voilà, un problème avec les bagnoles, non, toi. Ouais, bah oui, ça me gonfle. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un dandyoton, histoire de cumuler un petit peu, un petit pécule, hein, comme on dit. De histoire de lui acheter une montgolfière. Non, un scooter. Bah, tu sais que franchement, ça serait hyper cool. Venir à la radio montgolfière, ça serait excellent. Ouais, et bah, il faut partir la veille, par contre. Ouais, c'est clair. Eh oui. Oh la tristesse. J'étais en train de réfléchir, je me dis putain. Les mecs, je vous aime. Le mec qui se réveille de sa montgolfière. Eh oui. Alors, je vais en profiter pour lire un petit peu le chat, vu que j'ai la vue qui baisse. Oh là là. C'était par le vent, tu regardez, sais, vers Paris. Regardez, l'Infernal s'est fait un iPad. Alors, oh là là. C'est la nouvelle tablette. Mais non, mais vu que l'écran est loin et que je perds la vue, je vais vous lire un petit peu. Ghostix, c'est Jean-Claude Convenant, il prononce Jason au lieu de Jason. C'est pas comme ça que ça marche, la technologie infernale. Papy, c'est Bibit, pas une tablette. Il y a Bibit HD qui nous dit... Pose la télé. On a dit un petit gars, pas un nain. Squeezie est exclu. Ah, le Squeezie. En plus, il est trop vieux maintenant. Et voilà. Putain, j'ai failli faire ça avec mon doigt. Genre, je vais défiler le texte et tout. Putain. Oh là, la bonne barre. Papy l'infernal. Bon, est-ce que vous voulez qu'on tire au sort maintenant pour savoir qui c'est qui a gagné, ouais, le allez, jeu. Allez, oui. Allez, j'enlève ma casquette. Oula. Hop, et comme ça, dedans, je mets tous les petits papiers. Alors, combien il y en a ? Ça faisait plusieurs années que l'Infernal n'avait pas retiré sa casquette. Faut pas laisser les papiers dedans trop longtemps, sinon ils vont se dissoudre. Ouais. Il y a 8 personnes qui ont partagé. Ouh. Attention. Alors, dedans, il y a tous les noms. Je mélange. On va voir qui c'est qui a gagné. Je mélange. Oh ! Et pendant que je mélange, vous avez vu, Julien Lepers, il s'est fait virer de France 3. Non, ouais. J'ai pas vu. Ouais. Pourquoi il s'est fait... Bah, au début, je pensais que c'était News Geographie, en fait. Parce qu'il éclatait tous les ballons. Parce que Julien Lepers. C'est bon, moi c'était je ça, non? C'était pas ça? Je pose. Non, mais c'est une vraie news. Ah, je croyais que c'était il ça. Il s'est bon. Vraiment fait virer parce qu'ils veulent rajeunir un peu la grille de France 3. Alors, ah ouais, France 3, s'ils enlèvent question pour un champion, slam et. Des chiffres et les lettres, il n'y a plus personne qui regarde. Non, mais ils me font rire parce qu'ils veulent rajeunir. Commencer par arrêter de balancer Zorro tout l'été. Mais j'aime bien, moi, Zorro. Oui, mais bon, voilà. Zorro, j'adore. Moi aussi, je fais pareil après que je fais. Bah, s'ils veulent rajeunir, adapter d'autres émissions. Voilà, niveau rajeunissement, il y a un moment où. Prenez exemple sur France 4. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez mélangé, hein. Oui, je pense, ouais. Allez, c'est parti, je prends au pif. Alors. Hop. Oh là là. Alors, je sais pas si vous le joli hippie qu'il a sur la tête. Ouais, toujours. Le grand gagnant de Bloodborne ce soir. La semaine prochaine, on vous fait gagner du Assassin's Creed, du Until Dawn. On a gavé de trucs. Le gagnant de Bloodborne, il s'agit d'un certain. Passepartout. Gandoué Brice. Ah. Zut. Ah bah tu serais sympa de communiquer ton adresse. Non, c'est Hugo Martin. Hugo Martin. Donc s'il nous écoute, bravo, on peut l'applaudir. Il a gagné Bloodborne. Il a gagné Bloodborne, je vais lui montrer la vidéo pour Hugo. Maintenant, ah ouais. Maintenant, bon courage, si tu le veux, bon tu viens le chercher. Ça on t'avait pas dit, mais on en voit pas. Tu viens quand si tu veux. Si t'habites trop loin, tu nous rembourseras les timbres. Bon, c'est à toi, tu serais sympa de nous laisser ton adresse sur Facebook. Et puis on t'envoie ça dans la semaine. Voilà, c'est parti. Et voilà, c'est Noël dans la voix du geek. On l'a déjà presque envoyé là. Oh, oh, c'est le Père Noël. Tu veux voir mes boules? Mais je crois qu'il sera avec nous dans l'émission mardi prochain. Le Père Noël? Ouais. Oh, trop cool. Bien. Ouais, j'ai réussi à le débaucher. Ouais. Ouais. Et peut-être même avec 2-3 reines, mon pote. Ah ouais, ouais. Et les petits lutins et tout? Ah, surtout les lutaines. La classe. Ah, ah après. C'est pratique, ils font 1m10. L'Infernal premier sur la lutaine. Bon, bref, Hugo Martin, si tu nous écoutes, quoi. GG à toi, tu repars avec Bloodborne. Donc voilà. Eiki, tu voulais nous parler d'un petit truc, toi, avant 20h, là? Tu veux dire du Smash Ballot, c'est ça? Ouais, si tu veux, on D'accord, a le temps. On a un quart d'heure, tranquille. Moi, j'ai un petit sujet aussi à vous lancer, si c'est on a le temps. Smash ça fait calotte, partie des news, un peu. Super, la vanne moustique. Continue d'essayer. Et moi, je pensais que c'était vraiment une vanne quand tu m'as envoyé ça sur Facebook. Il m'a envoyé Smash Ballot, machin. Je me suis dit, mais quoi, Smash Ballot pour dire que c'est de la merde le jeu? Non, c'est pas ça. En fait, Ballot, c'est un mot anglais qui. C'est un mot anglais, voilà. Et du coup. En fait, ce qui va ça se passer, dire, quoi, ça veut dire tomber, c'est de l'anglais. Ça veut dire quoi? C'est quoi qu'on fait? C'est technique. Pas, ah, si, c'est technique. C'est pas sûr de la traduction exacte française, mais en gros, c'est un vote, quoi. C'est comme un sac à bourriche ou comme il a fait, en fait. Ouais, c'est dans, ça, un dans le même style, quoi. Et du coup, en fait, ce qui va se passer ce soir à 23h, c'est qu'il va y avoir une espèce de Nintendo Direct spécial Smash Bros, tenu par Sakurai, qui est à la base du développement et qui a fait bien la merde avec cet opus. Et qui va en fait finalement après ça fait longtemps quand même qu'il y a eu ce moi, je crois ça date de l'été dernier et en fait ce qui s'est passé l'été dernier c'est que Nintendo a ramené ses grosses burnes sur la table et a dit à tous les fans de Smash Bros on fait un vote, vous balancez le nom du personnage que vous voulez, on l'intégrera à Smash Bros, quelle que même soit la licence. Même Papy Brossard, quelle que soit la licence, quelle que soit... Captain Igloo, t'imagines? Quelle que soit la plateforme... avec ses doigts. Voilà, ils ont balancé que... Vous, ça a plu. Hein. Ils ont balancé, en gros, qu'ils allaient intégrer le personnage au jeu. Du coup, au dernier Nintendo Direct qui date maintenant de à peu près un mois, qui était une énorme. J'ai bien, il me regarde comme si je pouvais l'aider, mais en fait, je regarde plus. Oui, bah oui, bah, qui était une énorme. Démerde-toi. Tu sais, comme ces mecs qui te font un fuck, mais tu sais, très près du visage, voilà, c'était à peu près ce qui s'est passé dans le dernier Nintendo Direct. Et ce qui va se passer en fait ce soir à 23h, c'est qu'ils vont normalement. Nous en remettre un coup. Soit nous en remettre un coup, soit se montrer de bonne foi et balancer vraiment le nom du personnage qui a gagné. Et bien sûr, après, on aura la chance de pouvoir acheter le DLC à 7€. Yes. Pour télécharger le personnage. Et tu sais que. Putain, 7 balles pour un personnage. Je savais que t'allais m'en parler. Du coup, moi, je suis sur un site de jeux vidéo très connu que je ne citerai pas. Et ils ont tu veux déjà. Dire Webedia, là ils ont déjà la news et il y a déjà un trailer en fait. Qui vient de paraître pour ce personnage de Smash Bros. C'est il y a pas le trailer. Possible. Hello les amis, je suis le capitaine Iglo. Je suis allé loin à pêcher de gros colins pour Iglo et en faire pour vos enfants des bâtonnets croustillants à souhait dehors et siffondant dedans. Du colin pour vos enfants, pour les costauds, pour les gourmands. Oh là là. Des bâtonnets de colin Iglo, c'est la folie des enfants. Et sincèrement, je vous invite à la retrouver sur YouTube. C'est la pub la mieux doublée du monde. Ah, c'est un truc de malade. Genre, il y a 10 fois pas assez de mots dans sa bouche par rapport à sa synchronisation labiale, quoi. C'est un truc de ouf. Et à la fin de la pub, il fait comme ça, il montre le paquet. Ah, c'est une incrustation qui est magnifique, quoi. Le paquet, il est dans sa main, mais il bouge un peu. Enfin, voilà. C'est Captain Nico. C'est la pub de 1980, mesdames, messieurs. La grande classe. Et ouais, donc voilà. Il a posé à 1980. Oula. Il y a eu une explosion dans le studio. Il y a eu du Hans Zimmer dubstep. Non, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a déjà les pronostics un peu des personnages. Qui devrait être en fait choisi par les joueurs. C'est Sangoku. Et du coup, pour le plus grand plaisir de Clément, le number one, c'est Banjo et Kazooie. Ah wouh bien. Ah yes. Yeah. Suivi de très près de Shovel Knight. Oh là là. De, mais c'est pas possible ça. De Shantae, qui est un petit perso, tu sais, un peu genre comment on appelle, enfin tu sais, oriental là, avec les cheveux violets, tu sais, qui fait partie d'un jeu indé. Et, Aladdin. Non, pas Aladdin. Aladdin. Suivi encore une fois très près par le retour de Snake, qui était là sur la version Wii. Ah, ça c'est bien. De King K. Rool, qui est un méchant dans Donkey Kong. De Isaac, de Binding of Isaac. Des Inkling. Putain, c'est hyper dur à dire. Excusez-moi. Ça ressemble un peu à Geeking, fais gaffe. Quand t'as, quand t'as le nez bouché, c'est dur à dire ça. Des Inkling. Donc, ils sortent de Splatoon et de Wolf et Ice Climber, qui sont bien sûr en dernière position, mais quand même pas mal regrettés. Et il y a personne qui a voté pour Jack Cayman du jeu Mad World? Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a personne qui a joué pour qu'ils incluent ce connard de Cloud de Final Fantasy VII dans Smash Bros. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé du coup il y a quelques semaines, c'est que à la toute fin du Nintendo Direct, comme d'habitude, parce que du coup, bien sûr, ils font monter le teasing, on a un petit trailer avec, tu sais, le logo de Smash Bros. Là qui fait schling avec les flammes qui commencent. Et là, on se dit, putain, ça va être trop cool, ça va être le résultat du Smash Ballot en fait. Et au final, en du fait, Smash Ballot. Je sais pas comment le dire en. Ça ballote. Je sais pas comment le dire du vote Smash Bros en fait en français. Et du coup, on s'est tous dit ça va être génial et tout. Et là, en fait, on voit les putains de bottes de merde de Stéphémine de Cloud qui se ramènent dans Smash Bros. On embrasse là, les fans de FF. Dit, hein. Et là, je me suis dit attends, ça peut pas être les résultats du vote Smash Bros parce qu'on a les pronostics, on a à peu près genre on sait à peu près qui devrait être choisi et ça peut absolument pas être lui, tu vois, c'est comme tous les cons qui disent qu'ils veulent Sangoku dans Smash Bros, tu vois. Ça a pas lieu d'être, ça a aucun contexte. Je veux Godzilla moi. Non, mais ouais, tu vois, c'est que vraiment le pire c'est que si tu regardes les forums, ouais. Notamment les forums jvc.com, on les embrasse ou pas du tout, où la moyenne d'âge c'est à peu près entre 12 et 14 ans qui ouais, effectivement veulent du Sangoku, veulent du Luffy, veulent tu sais des personnages qui n'ont aucun rapport avec Smash Bros. Go go Power Rangers. Et du coup bien sûr voilà, on s'est tapé Cloud. Beaucoup ont crié au génie. Moi je commence vraiment à en avoir marre des conneries de Sakurai. Déjà sur ce Megaman, excuse-moi, quand je l'ai vu dedans, mais ça m'a pourri. Pourquoi à la limite Megaman, ça va, tu vois. Mais est-ce qu'ils ont mis le petit, parce qu'il y a tous les amiibo dans Smash Bros. Oui, bah oui, c'est est-ce qu'il y a le chien avec le canard? Oui, oui. Duo Duck Hunt. Et celui-là. Non mais par exemple Duo Duck Hunt et même Megaman à la limite, c'était une pas trop mauvaise idée. Mais le problème une fois de plus, c'est que Nintendo est une firme japonaise, que par conséquent ils écoutent surtout le public japonais, et que le public japonais a des goûts de merde. Par conséquent on s'est retrouvé. Non, ils ont pas des goûts de merde, ils ont des goûts différents. Ouais, des goûts différents bien merdiques. Il y a une envolée de canards qui passe. Il a trouvé son jeu. Le mec qui fait le peuple migrateur depuis 19h. On a perdu 10 auditeurs depuis tout à l'heure. Les mecs sont partis. Non, au contraire, il y a plein de monde sur le stream. Je vous en remercie. Bon, s'il vous plaît, laissez-moi finir avec Smash Bros. Et allez, bouge-toi le cul là. Et avant qu'on s'écoute le Scud. Bah non, mais du coup. Non, on a le temps. Je meuble en plus. Mais non. Et du coup, en fait, voilà, le problème, c'est que il écoute principalement les personnages japonais. J'ai pas réussi ce soir. Non mais je pensais que c'était... Non mais vous c'est fatigué. C'est la musique, j'y suis pour rien. Je voyais l'infernal. Et du coup en fait on s'est retrouvé avec énormément de persos hyper japonisants de Fire Emblem, et même si Fire Emblem est un bon jeu, dis-toi qu'il y a autant dans Smash Bros. Hein. On dirait qu'il y a un camion qui non, est... Mais voilà, j'allais dire, le mec il fait ça pour me troller, pour me rappeler les bouchons de tout à l'heure, quoi. Mip mip. En fait, il y a un camion à la fenêtre, là. Les bouchons de la rocade vous présentent. Tu vois à peu près Smash Bros, tu y as déjà joué quand même. Oui. Tu vois les persos qu'il y a à peu près. Il y a quand même pas mal de persos Zelda, pas mal de persos Pokémon et pas mal de persos Mario. Ouais. Et ben dans ce putain d'opus, parce que Sakurai a bossé sur Fire Emblem et que c'est son petit joujou, son petit projet à lui, tu vois, et ben on s'est retrouvé avec autant de persos de Fire Emblem qui sont des épéistes, tu sais, dégueulasses, hyper mangatisés, que de perso Mario quand même, tu vois. Ça du coup, voilà, autant il y a des fanboys qui crient au génie, qui sont super contents, autant le reste de la masse principalement américaine et européenne, on a un peu plein le cul en fait. Et du coup, en fait, voilà, ce soir, c'est les résultats du Smash Ballot, et on en est à, normalement, ça devrait être Banjo et Kazooie. S'il vous plaît, faites que ce soit bon, parce que je sens l'arnaque venir de dire... en fait, c'est Rareware qui a l'autorisation d'exploiter la licence. Rareware a été acheté par Microsoft. Microsoft nous ont fait un doigt, du coup, on peut pas le prendre. C'est ça. Non, je sens que ça va être comme c'est ça. C'est possible tu vois. Parce que Cloud, du coup, s'il a été ajouté à Smash Bros, c'est pas du tout en écoutant les joueurs. C'est parce que il y a le premier jeu vraiment destiné à Nintendo de Final Fantasy qui va sortir sur 3DS dans pas longtemps. Du coup, les mecs derrière, ils ont dû balancer quelques bifetons en plus pour faire la promo, tu sais, du remake Final Fantasy 7 là. Que on en a marre d'ailleurs d'avoir des remakes de ce jeu, bordel. Et du coup, en fait, ce qui se passe, moche, c'est que. Je suis désolé, mais Goustic, c'est moche. Il l'a vu à la maison, t'as il fait. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Non, mais. Bah, en fait, il était devant un miroir. C'est moche, je suis désolé, mais. Putain, il y a de la liaison. C'est quoi le plaisir de jouer à un. Non, mais à la limite, là où c'est assez cool de la part de Square Enix, c'est que justement, depuis des années. Ouais, mais là, on parle pas du même remake. C'est depuis des années. Ils font leur remake HD de merde, là, où en fait, ils améliorent un peu les graphismes. Là, ils refont tout en HD, ils refont un jeu, en fait. Il est moche quand même, là. Et le problème, voilà, c'est que les mecs, un perso comme Cloud. Tu sais, qui a ses mèches blondes, qui a pas un poil sur le corps et qui est hyper efféminé au final. Ça marchait peut-être dans les années 90, ça marchait peut-être quand on avait tous 10 balais, voire 15 balais si on est un peu attardé. Mais là, ça commence. Non, mais voilà, tu vois, je veux dire. Il y en a, ils ont 30 balais. Qui trouve les persos de Final Fantasy XV franchement charismatiques? Je veux dire, entre, je sais plus comment il s'appelle, Lux, franchement. Je n'ai fait aucun Final Fantasy. Moi, quand j'ai vu, j'accroche mais pas. T'as dû voir les trailers de Final Fantasy XV, tu vois. Et les mecs, ils sont habillés de cuir, on dirait juste des putains de chanteurs de rock japonais, quoi. Bah, c'est un peu ça. De toute façon, voilà. Concrètement, enfin, voilà. Le public, c'est un peu ça, tu vois. C'est des jeux qui cartonnent au Japon, quoi. Derrière, t'as Capcom et Street Fighter. Qui sont japonais et qui ont des bons goûts, tout simplement. Et ouais, mais après, c'est un peu le délire de Final Fantasy, voilà, d'avoir les gars. Mais tu sais, au Japon, il y a les mecs sont souvent habillés comme ça, quoi. Non, mais je sais bien. Mais le problème, c'est que là, en soi, il y a un autre marché derrière. Et le marché japonais, même s'il est assez conséquent sur ces jeux-là, faut pas tortiller du fion pour chier droit, passez-moi l'expression. C'est surtout les Américains et les Européens au final. Du coup, je me dis, et le problème une fois de plus, ça vient de Nintendo en fait, qui est une entreprise, tu sais, qui marche un peu encore, tu sais, comme les vieilles entreprises japonaises. Eh bah oui, non, mais clairement. C'est-à-dire que là-bas, déjà, si ça avance pas au niveau des décisions qu'ils prennent par rapport à la firme, c'est parce qu'ils se retrouvent dans des réunions, tu sais, à 10 où c'est les plus grands représentants de Nintendo et qu'ils ont tous un droit de veto. Du coup, il n'y a aucune décision qui se prend parce que et ça se finit d'accord. Au Harakiki, mon gars. C'est à peu près ça. Du coup, voilà, le problème, c'est que effectivement, Nintendo, vu comment ils nous la mettent depuis deux années là et depuis la sortie de la Wii U notamment, il est extraordinairement possible que les résultats du vote Smash Bros soient faussés et qu'on se retrouve avec une merde en personnage, voire qu'on n'ait toujours pas les résultats ce soir. Parce que dans l'idée là, les Amiibo, ils en ont prévu beaucoup. On n'a pas fait le tour encore. Bah là déjà, pour chaque perso. Ça. Moi je me suis dit au mot où ils se sont perdus, c'est quand ils ont sorti, même si elle m'excite beaucoup, il est vrai, l'entraîneuse Wii Fit. Quand j'ai vu le Amiibo entraîneuse Wii Fit. Je me suis dit, là, non, les gars, ils sont au bout du rouleau. Après, ils ont fait tout le justifiable roster de voilà, Smash Bros. C'est que pour chaque perso Smash Bros, t'as un amiibo. Là où c'est totalement de la déconnade, c'est que s'il y a bien un jeu où il n'y a aucune utilité aux amiibo, c'est dans Smash Bros, au final. Parce que du coup, t'as ton amiibo, tu le poses sur la mablette et il apparaît dans le jeu. C'est ça l'idée. Non, même pas. Tu peux tous les gagner ou les acheter. En fait, les amiibo dans Smash Bros servent à te... En fait, tu te bats contre un ordi... qui tu sais qui a l'apparence de ton amiibo. Par exemple, t'as l'amiibo Luigi, tu le mets sur ta mablette dégueulasse là, et en fait ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un ordi du coup qui va se créer sous l'apparence de Luigi et qui va avoir tu sais une intelligence qui s'adapte un peu plus à tes coups, etc. Et tu vas aussi pouvoir te faire une personnalisation très limitée d'attaque pour ton perso, tu vois. Mais voilà, ça n'a aucun intérêt au final, et les amiibo de Nintendo jusqu'à maintenant n'ont aucun intérêt quasiment. Bah vois. Après c'est de la, enfin voilà, pour bosser dans un grand magasin en ce moment, je me rends compte, c'est de la collectionnite aiguë. Bah, quoi. C'est clair. Je suis totalement oui, c'est d'accord. C'est un truc de malade. Hein. Et en plus, voilà, au patatras, c'est pas si cher que ça. Ouais, c'est 14 pas si cher, balles. Mais enfin, tu et vois. Puis après, sont bien là, foutus, le seul amiibo, elles ont une petite gueule. Ouais. Elles sont bien foutues. Le seul amiibo que j'ai acheté, c'est pour le remake de Zelda Twilight Princess, parce que c'est un jeu qui m'est très cher, tu vois, parce que vraiment, c'est sûrement le Zelda que j'ai le plus kiffé, et peut-être le jeu que j'ai le plus kiffé dans ma vie. Et l'amiibo est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse. T'as l'impression que c'est une fève, tu sais. Que... ah putain. Tu vois ce que je veux dire au niveau. Mais je sais pas où t'achètes tes galettes, toi, mon pote. Mais fève pasquier. Non, mais vraiment, tu l'as vu l'amiibo Zelda Twilight Princess. Je l'ai pas regardé. Il est franchement dégueulasse. Ouais. Tu peux regarder. Tu tapes amiibo Zelda Twilight Princess. Tu vas voir à quel point le machin est pas fignolé et dégueulasse, tu vois. Tu tapes fève Zelda, tu vas pas trouver la différence. Franchement, il y a moyen en plus. C'est juste qu'elle est grosse la fève, tu vois. Mais au final, elle doit exister parce voilà, que j'ai le souvenir de gamin avoir des santons Nintendo. Sérieux? Oui. Bah oui, mais il y a plein de fèves différentes. Mmh. Non, alors, est-ce que comme moi, vous aviez eu une fois les céréales Nintendo? On va s'écouter le Scud en plus. Il est 20h. Parce que ça existe. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que ce soir à 23h, on aura les résultats du Fight Ballot. Du Smash Bros Ballot. On aura les résultats de Miss France. Non, c'est pas ça. Les résultats coup, de la fève Ballot. Ce qui va se passer, c'est que selon si je suis très colère ou si je suis très content, quoi qu'il arrive, je posterai un message sur La Voix du Geek. D'accord. Avec le compte de La Voix du Geek, je signerai pour qu'on sache que c'est moi quand même, parce que je vais peut-être être très grossier ou peut-être être très content. Attention. Mais en tout cas, voilà, après 23h, une fois que le résultat aura fini et qu'ils nous c'est auront toi, parlé Bouba. Pendant trois quarts d'heure de Cloud et de comment il est très difficile à ajouter à Smash Bros, ils vont nous donner les résultats normalement puisque c'est le dernier Nintendo Direct sur Smash Bros. Après, il y aura plus de perso DLC. Merci Nintendo. Parce que bon, Ryu de Street Fighter, etc., on n'en parle pas, mais ça fait chier. Et voilà. Selon les résultats, je serai peut-être très content ou peut-être que je résignerai pour la première fois de ma vie Nintendo et peut-être même que j'arrêterai d'acheter leur jeu. Voilà. Ok, et ben écoute, sur ces belles paroles, il est 21. Voilà, vous et c'est un toujours. Grand pas pour moi, je tenais à le dire. Et ouais, et puis c'est pas peu chose dire parce qu'il fait 1 mètre. Alors c'est un grand pas quand même, ça fait au moins ça. Ah, ça, c'est pas parce que j'arrive à ta bite que. Bon. Allez, sur ces belles paroles, il est 20h. Vous écoutez toujours La Voix du Geek sur Ode Radio et nous on revient juste après Cassius avec I Love You So. C'est du bon son qu'on met ce soir. Allez, à toutes. Vous écoutez Ode Radio. Vous écoutez Ode Radio. Vous écoutez sur 91.3. 91.3. Allez, on est de retour, il est 20h passé de quelques minutes. Vous êtes toujours dans La Voix du Geek sur Ode Radio 411.3 en Aquitaine et sur oderadio.net pour le reste de la Gaule. Il y a toujours des viewers qui nous suivent sur twitch.tv. Ils sont pas partis malgré le canard. Eh non, ah tu veux que je refasse un petit non, c'est chiant. C'est bon. Ils sont combien? Ils sont 17 actuellement. Eh ben salut à tous. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça parle des amiibo. Oui, c'est vrai que c'est un carton. On est assez d'accord avec vous. Voilà, après collectionnite aiguë, t'es geek, voilà, c'est comme ça quoi. Juste une parenthèse, tiens, s'il est toujours là, il y a Mister Yanda mardi prochain, bien sûr que t'es le bienvenu. c'est l'émission de Noël en plus, donc on, franchement. Ah ouais, on l'ouvre au public du coup. Ah oui oui carrément, ah oui, c'est en public hein. Si vous êtes du monde. Ah mais carrément, si vous êtes sur Bordeaux et que vous voulez passer nous voir dans l'émission, franchement mardi prochain c'est l'émission de Noël. On va faire jusqu'à 21h30 je pense, hein. C'est bon pour tout le monde. Oui, oui, on va oui. faire venir Miyamoto et on va lui faire. Oh, putain mais je vais lui en mettre une. Franchement, je te jure que ce mec si je le vois ça, en vrai, je pense que mission Cléopâtre quoi. Je vais vraiment lui mettre un coup de tête en disant mais t'as mon enfance elle était là grâce à toi et maintenant elle est là grâce à toi, tu vois. En tout cas, si vous voulez venir vous voir, si vous voulez venir vous voir carrément, vous pouvez venir vous voir. Il y aura vous-même. Un miroir, il y aura un miroir ici dans le studio, juste là. On va le mettre là, ou peut-être sur le mur là où il y a le logo. Ouais, enfin, c'est ouais. On va se démerder. Bref, en tout cas, Yanda, Mister Yanda, n'hésite pas, viens avec du monde si tu veux. Voilà, c'est l'émission de Noël. On aura plein de cadeaux pour vous. On aura du jeu, on aura une Wii U à vous faire gagner. Faut que je vous prépare un petit quiz à la con. C'est bien en plus parce que tu vois, on en fait la belle promotion avant pour gagner une Wii U. Ça donne bien envie d'y jouer quoi. C'est ouais, vrai. C'est vrai. Et mais du non, coup, pendant qu'on va la faire gagner. Dandy va aller aux toilettes et il va appeler le standard genre. Oui allô. Oui c'est pour la Wii U. Mais tu sais que il va l'auto gagner. J'avais prévu de le faire. Oh qu'il est con. Non, je déconne. En tout cas on fera un jeu. Bah je vous le dis maintenant vu qu'on a le temps là on va se faire le test de Rainbow Six là donc de Rainbow Six. J'y arrive pas. Bon, on va faire le test du jeu là qui arrive. Il y a le Photoshop sur la page. Je te dis Rainbow Six. Rainbow Six. Voilà. D'accord. Bon bref, et on vous fera gagner genre toutes les demi-heures, on balancera un mot et dès que vous entendrez non, je le rentabilise. Putain. Je dirai un mot au retour disque, dès qu'on retourne au retour antenne, dès qu'on revient, dès que vous entendrez, je dirai un mot et n'importe quand pendant la demi-heure, je le fais pas trop fort. Et là, faudra appeler au standard. Je vous filerai le numéro. Et le premier qui appelle, eh ben, il repart avec le jeu. Voilà. Alors, ça, ce sera pour les jeux. Parce que ça, ce sera pour les jeux. Parce que la console, on a dit qu'on faisait share et like de la page, c'est ça? Ouais, on verra. On peut faire ça déjà. Et puis, non, je ferai un infernal quiz. Ah, ok, d'accord. Un truc bien dégueulasse. Voilà. Bon, bref. En tout cas, on fera plein de choses. Est-ce que on pourrait faire le retour, tu sais, du truc qui t'électrocute, là? Eh ben, le truc, c'est que je l'ai perdu. Oh merde. Je sais pas ce qu'on en a fait de ce truc. C'est super marrant, c'est très bien. Je m'étais mis sur les fesses une fois, c'était super. Ouais, marrant. C'était un truc, vous savez, putain, on est comme à la maison, tranquille. On est en direct. C'est l'émission de pré-Noël. Oui, mais voilà, c'est bientôt les vacances. On peut pas tout. Toujours faire preuve de professionnalisme. Et non. Effectivement. Et du coup, oui, c'est un espèce de truc électrique, là. Il y a quatre petits manches. On le tient tous. Et en fait, il y a une musique qui tourne. Et dès qu'elle s'arrête, faut tous appuyer sur le petit bouton au-dessus. Le dernier qui appuie prend une châtaigne de malade. Il y avait ça, puis il y a aussi les patchs là que tu te colles. Ah oui, en plus ça, voilà, c'est la musculature, ça. Ouais. On avait bien rigolé avec ça. Faut les retrouver, ça. En vrai. Bon, je vais chercher. Puis voilà, on fera pas de news, on fera peut-être un gros récapitulatif peut-être de l'année, de nos coups de des jeux, de gueule. J'ai vu sur un certain site, pour pas le nommer, qu'ils avaient élu leur jeu de l'année, c'était The Witcher. Donc nous on vous dira tout ça. Les mecs ils disent ça après les Games Awards, s'il te plaît, paye. Attends, c'est JVEdia. C'est ça. JVEdia.com. Alors après, why not, c'est quand même un très bon jeu. On les embrasse pas du tout. Moi il est dans un de mes top quand même, The Witcher. Bon bref, Dandy, toi qui as bien tartiné tu vas nous en parler. T'es motivé? Oui, très bien. Je te donne le top départ. Ah, attention, il y a une nuée de canards qui passe dans le studio. Oh là là. Oh mon dieu, chasse et pêche quoi ce soir. Attention. Petite galinette. C'est qui? C'est toi qui as chié dans mes bottes, Michel? Bon bref. Allez, Rainbow Six, c'est édité et développé par Ubisoft. C'est sorti le 1er décembre. C'est un FPS tactique. C'est déconseillé aux moins de 18 ans. Voilà. Allez, salut, démerde-toi, faut que j'aille pisser, moi. Moi aussi, j'ai joué du coup. Ah, mais d'accord. Bah alors, du coup, le mec va pisser. Ah non, c'est pas une vrai. Blague. Mais oui. Est-ce que tu veux que je te cadre un petit peu les trucs? Alors, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Eh ben, alors, Michel. En fait, tout simplement, y a pas vraiment de scénario, si ce n'est cinématique d'intro. Qui te met dans l'ambiance en disant bon voilà, en plus c'est tristement on va dire d'actualité, même s'il précise quand même dans la ciné d'intro que attention, les mecs sont super armés, on sait pas d'où ils viennent, ils ont pour but aucune religion machin et tout. Bon, déjà ils te cadent le truc. Alors, c'est, ça je pense que c'était déjà dans le jeu avant ce qui s'est passé, malheureusement. Clairement. Parce qu'après, c'est pas le but non plus de stigmatiser quelqu'un en particulier. Comme ça m'a fait rire au début de Need for Speed, ils te disent attention, si tu roules en voiture, mets ta ceinture. T'as envie de dire, mec, je suis devant mon canapé, c'est pas pour entendre des... Ah non, mais c'est justement dans ton canapé, mets ta ceinture. Parce que ça va dépoter. Bon, alors, Dieu. Apparemment, ça marcherait avec des bretelles. Bref, on s'égare. Oui, donc du coup, ben voilà, je sais plus ce que je dis. Voilà, merci, alors, beaucoup. C'est ça qui est énorme avec Dandy, c'est parce que c'est trop facile de le faire perdre le fil. Ah, mais clairement. Donc, oui, tu disais qu'il y avait un petit message au début, comme quoi, voilà. Oui, alors, non, c'est même pas un message. Le mec me fait faire dire n'importe quoi, quoi. Non, mais putain, j'hallucine. Il profite de ma. En gros, le scénario, c'est comme Counter-Strike, c'est les terroristes contre les antiterroristes. Exactement. Voilà, donc après il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément, c'est que dans le jeu, et ce qui est normal, c'est que quand tu joues, à chaque fois que tu... Alors que tu sois quelqu'un qui va buter du terroriste parce qu'ils ont posé une bombe, ou parce que tu dois protéger une bombe et qu'il y a des gens qui viennent pour te l'enlever, tu joues des antiterroristes. Alors on dit, mais je comprends pas, je suis en train de poser une bombe, je suis un antiterroriste. Ah oui, quoi qu'il arrive, t'es toujours un membre de la police, quoi. Alors tout simplement parce que ce sont toujours tes adversaires qui ont le skin des terroristes. Donc en gros, quand tu regardes deux écrans différents de quelqu'un qui joue l'un contre l'autre, ils sont tous les deux flics et ils se voient tous les deux terroristes. C'est juste le truc à savoir. D'accord, ok. Parce qu'en fait, c'est découpé en assaillants et défenseurs. Alors, tu as des forces, à savoir que tu as 5 forces pour l'instant. Non, je pense que ce sera tout d'ailleurs pour le moment. 5 forces spéciales donc du monde. Alors, à savoir le SAS d'Angleterre, le SWAT des États-Unis, le GIGN de la France, Cocorico, le GSG9 de l'Allemagne et le Spetsnaz de la Russie. Le GIGN qui ne se battent qu'avec des tasers d'ailleurs. C'est... Ouais, mais qui font un boulot remarquable, on les en remercie. Ouais. Non, oui, bravo à vous. Hein. Et donc, voilà, donc tu as assaillant et défenseur, à savoir que donc tu as 4 personnages par unité spéciale. T'as le mec avec son gros marteau, lui, je l'adore. Ouais, voilà, c'est. C'est comment il s'appelle ? Le Destroyer, je crois. Ouais, je m'en rappelle. Du genre, le mec, c'est un membre de la police, quoi, il s'appelle le Destroyer. Non, tiens, va chercher Michel avec son gros marteau là-bas. T'as la recrue. Tu vas rigoler, parce qu'effectivement, quand tu commences à jouer, tu joues en tant que recrue, parce que tu n'as pas assez de crédit pour t'acheter un mec d'une unité spéciale. Sauf qu'après, tu as le choix entre plusieurs personnages. Monsieur qui m'a fait bien rigoler, c'est le mec du GIGN en France, qui est de Bordeaux, parce qu'ils ont une petite bio, ouais, tu vois, et le mec est de Bordeaux, et ils l'ont appelé Montagne. Joli. Le mec et c'est le mec qui a le marteau, et c'est le seul mec qui a inventé le marteau pour enfoncer les clous de girofle, mon pote. Et donc c'est le mec, non, tu vois, avec un gros bouclier. Donc le gros mastoc. Donc à savoir effectivement, comme je disais tout à l'heure, parce que je passe un peu du coq à l'âne, dans la vidéo de début, donc ils expliquent un petit peu la mise en scène, et ils te disent c'est bon, on déploie les forces spéciales, il va falloir aller zigouiller du terroriste. Jusque là tu te dis ok. Chose que les gens ne savaient pas trop, parce que tout le monde pensait que ça allait être comme du Counter Strike où tu te logs sur un serveur, tu joues, tu destroys du monde et c'est fini, quoi. Tu as quand même alors sous forme de tutoriel des espèces de missions spéciales. Oui, alors ça, je peux en parler parce que du coup c'est, j'ai pu faire que ça moi aussi en fait. C'est-à-dire que genre j'ai joué. J'ai même pas pu toucher la jaquette, moi. Oui, mais tu l'as bien mérité. Et t'inquiète pas, on retournera au truc normal à partir de maintenant. Tu perds ton temps, vas-y. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas, j'arrivais pas à me connecter, tu sais, au serveur du jeu. Du coup, je sais pas si ça vient de ma PS4 ou quoi, mais en tout cas, j'ai pu jouer qu'à ces parties solo. Et si j'ai un conseil, parce qu'après, je l'ai téléchargé sur PC aussi pour jouer justement au multi. Si j'ai un conseil, ne jouez pas à la partie solo, c'est à la fois chiant et très dur. Bah, le truc, c'est que moi, j'ai eu un gros souci avec le jeu, c'est que bon, j'en suis pas au mon coup d'essai, hein, les FPS, tout ça, et impossible de viser, quoi. Ouais, bah, je trouve que c'est dur, hein, sur la console. Je trouve que le bonhomme, il marche, mais on dirait, je sais pas, quoi. Mon petit infernal, je vais te dire quelque chose qu'il va falloir que t'entendes un jour. Vas-y. C'est, parce que déjà, tu m'avais fait le coup pour Star Wars Battlefront. Parce que moi, j'y ai joué sur PC, sur console. Ça, je sens le truc et, hyper solennel. Et je t'ai dit, l'aide à la visée sur... Je t'ai dit l'aide à la visée. Il est très chiant. Oh là là. Je peux. Non mais c'est rien, t'inquiète pas. Allez, vas-y. Ça n'atteint pas ta personne à toi. L'aide à la visée sur Star Wars Battlefront, je t'ai demandé si elle y était. tu m'as dit non, pas trop. Alors je vais t'expliquer, mon petit loulou. Que... Alors là, je peux te dire que l'Infernal il mouille les couches. Que l'aide mon à la petit visée, loulou, il se met en mode gamin, fait, là, le gars. L'aide à la visée sur Star Wars Battlefront, elle y est absolument carrément de la mort qui tue. C'est-à-dire que quand tu vises à côté, si ton viseur il se lock automatiquement sur la tête du perso, ça c'est une visée assistée. Sur ouais, PC, j'ai pas... sur PC, sur PC et du simple fait que je crois qu'il est cross-platform en plus le jeu. Il me semble. Non. En tout cas, il y a des gens, il y a des gens qui jouaient à la manette et d'autres au clavier souris quand j'ai joué sur PC. L'aide à la visée, en fait, c'est ça. Mais le problème, c'est que vu que c'est un jeu beaucoup plus tactique et beaucoup plus pour les hardcore gamers, il y a aucune aide à la visée sur ce jeu-là. Par conséquent, entre un mec qui a une souris, donc par conséquent, tu sais, qui peut tourner aussi vite qu'il veut, par exemple sa vue, ouais, quelqu'un qui est à la manette et qui du coup doit tourner son joystick et que t'as une vitesse de tournoiement, etc. Bah t'es un paquebot en fait. T'es ton personnage. Ah ouais, parce que moi j'ai galéré. Hein. Voilà. Et... Mais même comment il se déplace, tu vois, il est tout tout bedonnant, je sais pas. Mais de toute façon, ça s'est vu pendant, tu sais, il y a eu des tournois de justement de Rainbow Six et il y avait cet abruti de Mister Level 12 là. On l'embrasse, hein, bien sûr. Je sais pas qui c'est. C'est juste que c'est un mec qui est pro Call of Duty, etc. et qui a toujours pas compris qu'un FPS ça se jouait à la souris, au clavier, si tu voulais vraiment jouer en mondial, etc. Il s'est fait laminer par tout le monde parce que c'était le seul qui jouait avec ses manettes, parce qu'il a, tu sais, un contrat avec les mecs qui sortent les manettes gamers, etc. Avec Konix. Voilà, ce genre de truc. Ce genre de truc. Du coup, voilà, en fait, ce jeu se joue logiquement à la souris, au clavier, sinon tu te fais laminer direct. Voilà. Alors effectivement, moi, pour avoir testé la bêta sur PS4 pour jouer avec vous, d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion, tant pis pour moi, j'ai trouvé la différence hallucinante. C'est vrai que j'ai l'habitude de jouer à ce genre de jeu sur PC parce que j'ai eu ma période Counter-Strike pendant l'adolescence où j'y ai joué pendant 3 ans non-stop. Et là, ouais, pour l'avoir essayé sur console au début, je me suis dit waouh, le mec bah est ouais, mou. C'est dur. Effectivement, t'as un tank, le bonhomme il met du temps à se déplacer, la visée horrible. Et je me suis dit c'est pas possible, un noob, mais vraiment un noob sur ce jeu. J'ai dit là c'est pas possible. Donc du coup, je savais que j'allais le prendre sur PC. Après, il y a un truc qui est pas mal aussi. Il faut savoir que ce jeu-là, ça va pas être comme un Call of. C'est surtout pas à prendre comme un Call of. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est plus le genre de jeu qui va être utilisé pour de l'e-sport, donc pour des compètes, pour des tournois, ce genre de choses, comme un Counter-Strike. Counter-Strike, tu l'achètes pas pour l'histoire parce qu'il y en a pas. Tu l'achètes parce que t'aimes la compète, t'aimes faire du 3-6, no scope, machin, enfin bref. Bisous à tous les pyjamas qui nous écoutent. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Un noscope, c'est quand t'as un sniper et que tu ne vises pas pour tirer, mais que tu tires avec la petite réticule de en mode je suis pas en train de viser. Au jugé, quoi. Voilà, au jugé. Voilà. Et donc, putain. Je perds trop le fil, c'est ouf. C'est incroyable et vous m'avez même pas perturbé. Je sais même plus en plus où est-ce que tu voulais en venir. Non mais c'est pas grave. Non mais tout ça pour dire que effectivement le jeu est dur, il est encore plus dur quand vous y jouez tout seul parce que c'est un jeu de coopération. Ouais, voilà. Ah oui, ça aussi je voulais dire, c'est que je me suis retrouvé tout seul comme un con, genre à jouer avec des gens qui étaient sûrement en train de parler entre eux, tu vois. Et entre les mecs que j'ai tués sans faire exprès, qui étaient dans mon équipe, parce que t'as le team kill en fait qui est activé. Ah ouais. Là. Tu peux tuer tes potes. Ah ça c'est chaud ça. Ah mais c'est de la vraie simulation. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais ça c'est dur ça. C'est pareil hein, quand tu te prends pas 50 balles comme dans Call of Duty, tu respires l'air frais pendant 10 secondes et ça va mieux. Là tu vois, tu te prends 2 balles, t'es mort. Du coup, moi je me suis fait bien laminer sur ce jeu quand même. Mais après, j'ai trouvé très bon hein, de mon côté. Ouais, franchement, enfin voilà, moi c'est pour avoir joué aussi à Ghost Recon Online, donc qui est un free-to-play depuis des années, qui est très très bien, pour avoir fait du Counter-Strike. T'étais sur lequel ? Moi j'étais sur Source. Source aussi, okay, ouais. Celui d'avant c'était pas possible, juste pour mes yeux, je pouvais pas. Et honnêtement, je vois en ce jeu vraiment la capacité de pouvoir faire un bon jeu d'e-sport. Parce que t'as de la vraie tactique, t'as des mecs, tu vois, t'as des plans tactiques comme sur les vraies opérations, je pense, avec des flics, etc. Où tu te dis à l'avance, bon, alors toi tu vas prendre par là, moi je prends la fenêtre à l'étage, toi tu passes par là, tu passes en couverture, tu poses une bombe à tel endroit. Et je pense que les mecs, à l'e-sport, c'est vraiment comme ça qu'ils vont jouer. T'as l'édition spéciale du jeu qui était sortie avec les cartes et le bouquin détaillé. Ah oui, okay, ouais. Tu vois vraiment pour ça va loin hein, franchement. Genre ça va avant loin. Le match tu fais un briefing. Ouais quoi. C'est ça, c'est comme quand tu vois dans NCIS machin le mec il pose la carte sur la table, tu sais, avec son marqueur rouge il fait une flèche. Il et dit, est-ce toi, que quand là, tu le fais il y a du trip hop par dessus avec les couleurs de bleu non pas comme dans les experts. Mais ça serait cool. Ça serait cool. Alors On va parler un petit peu du jeu, du coup, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de l'environnement, on va dire. Le jeu en soi, mis à part tuer des gens, tu fais pas grand chose. Oui, c'est mais... ça, c'est que le gameplay, c'est, voilà. C'est hyper redondant, hein, au final, mais ça fait partie du style du jeu. Mais il faut dire que, donc, dans ce jeu-là, ce qui est génial, c'est que pour une fois, tu peux quasiment tout déglinguer. Tu ouais, peux déglinguer alors, les murs. Ça. Alors, ouais, je sais. Désolé. Toi, je te vois venir parce que moi, tu vas dire. On m'a vendu du rêve à l'E3 quand on a balancé ce trailer. Logiquement, tu balançais un coup de bazooka dans le mur, il s'effondrait quel que soit le mur porteur de la maison. Tu pouvais défoncer le sol autour de toi, l'escalier si tu veux, ça bloquait les accès et tout. Là, franchement, t'as des zones clairement que tu vois, tu sais que c'est celles-là qui peuvent éclater. Et les autres, si tu l'autre, il pose pas un truc sur le mur, globalement, il n'y a pas trop de problème, quoi. Alors, c'est okay. Justement. Tu sais, c'est des palissades en bois avec une croix dessus. Oui, jaune, ouais, je l'ai vu. Hein. Voilà, c'est à partir de là, tu sais que soit ça, tu peux le reconstruire, soit ça, tu peux le détruire. Et que si tu veux pas qu'il y ait un mec derrière, tu t'en éloignes un peu, quoi. Voilà. Tiens, je fais juste une parenthèse pour Kogu qui nous envoie ne pas participer ce soir à l'émission de La Voix du Geek pour raison de kermesse de Noël de la Miss. Check. Il fait un gros bisou à mes gamers préférés. Et non, moi, Ami, vous manquez fort. Un bisou, gros bisou à toi. Gros bisou. Non, c'est vrai qu'à l'E3, moi, on m'avait quand même. Et là, en soi, ce jeu, j'ai trouvé assez bon, hein, y a pas de problème. Mais Ubisoft, s'il vous plaît, arrêtez de, genre, à l'E3, de nous balancer des trailers de malade, parce que là, pour The Division, je sens, ouais, je sens arriver dire. La ouais, déception j'ai peur, de dingue. Aussi, ouais. Mais voilà, il nous avait vendu du rêve en mode vraiment c'est réaliste, c'est-à-dire que tu tires à travers tout le mur, enfin tu peux tout exploser vraiment. Là, là, les maps, clairement, elles sont pas entièrement explosables vraiment. Alors. Enfin. Bah, sinon t'imagines le jeu. Pardon, putain. Je suis en train de m'étouffer. Radio crash, hein, bonjour. Mais oui, j'imagine le non, jeu. Non, mais t'imagines une pièce carrée où genre t'es au premier étage et tu casses tous les murs, tu sais, tu te prends le toit sur la gueule. Non, bah oui, mais c'est pour ça ouais, qu'ils en ont fait quelque chose. En termes de gameplay, c'est impossible. Mais en termes de gameplay, non, c'est pas forcément impossible dans le sens où justement, moi là où je me suis dit putain, Rainbow Six, ça a l'air génial. La première fois que je l'ai vu, hein, le premier trailer, moi j'avais jamais joué à Rainbow Six avant ça. C'est que je me suis dit putain, ça a l'air génial, c'est réaliste au niveau de la destruction, tu vois. C'est-à-dire que limite le mec, genre s'il mettait des explosifs en rond au sol, ça faisait tomber une partie du plafond, tu vois. Alors que là, c'est beaucoup moins comme ça, tu vois. C'est. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que certes, tout n'est pas explosable, mais t'as au moins, honnêtement, franchement, 70% des trucs explosables. J'aurais dit si. 50%. Non, non, non, quand même pas. Parce que même si tu exploses pas des trucs qui te sont balisés, alors il faut savoir que toutes les parois explosables peuvent être aussi bien au sol qu'au mur. Donc ça va être tout ce qui est palissade de renfort donc dans tous les encadrements de portes. Mmh. Qui sont les plus fragiles, hein, comme les encadrements de fenêtres. Mmh. Y a également tout ce qui est donc mur en placo ou en bois. Tout ce qui n'est pas pétable en fait, ça va être soit les murs, les en fait tout ce qui entache en à béton. La vraie architecture de qui entacherait à la vraie architecture du bâtiment dans lequel que tu dans lequel tu trouves, à savoir du coup les murs porteurs, certains sols et bien sûr les escaliers le béton, qui quoi. Te permettent de monter à ouais. l'étage ça. Mais du coup ça c'est ça qui m'a un peu frustré sur le coup, c'est que moi j'avais pas regardé d'autres trailers depuis le seul trailer que j'avais vu à l'E3 que j'avais mmh. trouvé extraordinaire et je me suis rendu compte qu'effectivement c'était beaucoup trop logique par rapport à qu'est-ce qui est destructible et qu'est-ce qui ne l'est pas en fait. Du coup. Mais après, c'est un des rares points négatifs que j'ai à balancer sur le jeu. Hein. Parce qu'après, il faut aussi savoir que quand tu veux rentrer dans un jeu comme. Enfin, dans un, quelque chose qui peut rentrer dans de l'e-sport, il ne faut pas non plus que ce soit tout dû au hasard. C'est que tu as une certaine maîtrise, tu as un certain apprentissage du système de jeu. Et je pense que quand tu mets tout pétable, tout simplement, bah, ton jeu, certes, il est cool, mais tu vas peut-être plus en faire un Call of ou un Battlefield qu'un jeu vraiment d'e-sport où tu as de la tactique à la. Je suis totalement d'accord, mais après, tant que tu limites les explosifs dans ce genre de jeu, tu ne vas pas détruire une map entière en tirant dedans, quoi qu'il arrive. Du coup. En soi, tu vois, je me dis, voilà, il y avait totalement moyen, en fait, en 2015, aujourd'hui, de faire ce qu'ils avaient balancé à l'E3, c'est-à-dire ouais. Une map vraiment entièrement destructible pour le coup. Mais bon, après, c'est dommage, parce que je pense que y aurait peut-être beaucoup de conflits, le jeu en lui-même, tu vois, le conflit en tant que construction, ouais, architecture in-game. Mais du style bug de collision machin, ils ont peut-être essayé, hein, ils ont vu que c'était peut-être beaucoup trop de problèmes à régler et du coup ils se sont dit on va garder les murs porteurs, tout ce qui est mur en béton et puis même le sol, t'as vu, t'as du parquet quand même, si tu le pètes, même si tu peux pas passer à travers, ça arrache le plancher et t'as les poutres porteuse et tu peux quand même tirer à travers, etc. Ouais, je suis donc ça te laisse un champ de visée, c'est ça aussi le qui est problème, bien. C'est que je te dis, moi, on m'a vendu du rêve à l'E3, on m'a vendu ce jeu comme quoi, pour moi, c'était un renouveau du FPS en plus. C'était un renouveau pour moi, de ce ça genre de encore, jeu. Hein. Bah, au final, non, pour moi, c'est. C'est ni juste plus pour ni ça, moins qu'un... juste parce que tu peux pas tout péter. Ben ouais, mais c'est pour moi c'est ce qui faisait l'attrait de Rainbow Six, c'est pas Counter Strike par exemple, tu vois, au-delà de ça. Ouais, mais bon, bien y sûr, y a une voilà, différence entre les deux, tu peux quand même péter des trucs. Ouais, je suis d'accord, et puis tu peux viser parce que dans Counter Strike tu peux toujours pas, mais voilà, je suis totalement d'accord. Mais du coup, moi, dans mes points négatifs, j'ai eu quand même cette petite frustration de me dire. Putain, c'est Ubisoft et c'est encore pas comme à l'E3, quoi. Ça fait chier. Bon, on a un peu l'habitude. Alors, je regarde là, 26. Tant qu'on a encore le temps, on va parler un petit peu de tous les atouts, de tous les gadgets, parce que ça, on n'en a pas parlé. Chaque opérateur, en fait, a sa propre spécialité. C'est-à-dire que Montagne, par exemple, lui, il a son gros bouclier, donc qui est dépliant, donc il peut charger les mecs et il peut protéger, donc avancer en premier dans les salles qui sont bien blindées. Tu vas avoir justement l'autre, je sais plus comment il s'appelle, le russe qui a effectivement une grosse masse et donc d'un coup de masse il peut péter un mur en placo direct sans avoir à mettre plusieurs coups. Tu vas en avoir d'autres qui vont avoir des petits drones qui électrocutent et qui peuvent justement défaire des pièges ennemis. Après tout le monde dès le début d'une partie est plus ou moins équipé de, on va dire, fil barbelé, de grenades flash ou de grenades frag. On a tous aussi des petits drones. Alors ça, il faut le savoir, c'est que quand vous jouez attaquant, c'est-à-dire que vous êtes les antiterroristes et que vous devez aller sur les lieux, vous avez 30 secondes, les 30 premières secondes de la session de jeu, vous êtes un petit drone rasmote au sol et vous devez justement aller trouver l'objectif, marquer les ennemis. Donc on a ce côté un petit peu tactique, ouais, ça, où, où c'est très marrant aussi, où tu te fais pourchasser par les mecs qui essaient de te zigouiller et puis tu pars te cacher sous des meubles. Bah, après, enfin, moi, vu que je suis, ça faisait longtemps quand même que je m'étais pas vraiment balancé dans un jeu comme ça, c'est ce qui m'arrivait à chaque fois. La seule fois où j'ai eu le drone, je me suis toujours retrouvé genre sous l'entrejambe du mec qui te regarde genre bah, qu'est-ce que tu fais là, qui te tire dessus, tu vois. Donc il y a ça, il y a la possibilité aussi de renforcer les murs, c'est-à-dire que quand vous avez un mur qui est probablement destructible, donc un mur en placo, quand vous êtes défenseur, vous avez la possibilité de poser donc des grosses plaques métalliques, un petit peu comme le système. Alors je pense que ça doit te parler, tu sais, les chevilles, pas les chevilles, mais les trucs à placo, tu sais que quand tu l'enfonces, les chevilles molly, tu vois, ouais, qui s'écartent derrière. Mais c'est un peu le même principe, mais avec toute une barricade en métal. Alors après, tu as, c'est ça qui est bien aussi, c'est que chaque truc qui te permet de te protéger, de l'autre côté, tu vas avoir toujours quelqu'un qui est capable de pouvoir le péter. Ok. Ouais. Alors tout dépend comment s'organisent les équipes, mais si tu arrives à avoir un bon équilibre, tu peux toujours essayer de contrer l'offensive de l'ennemi, enfin la défensive plutôt. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais ça demande un peu de jugeote et de compréhension au niveau du gameplay. Il y a bien évidemment dans les Rainbow Six, j'en ai pas parlé, mais c'est une évidence, toute la phase où on peut escalader, où on fout un grappin sur le toit, on peut passer par les vitres. Du rappel, quoi. Voilà, du rappel. On a ce côté très très militaire qui est très simulation au final, où on a vraiment l'impression de faire une opération antiterroriste. Alors, le truc, c'est que comme je le disais tout à l'heure, il faut pas y jouer tout seul, tout simplement parce que ce jeu-là, le plus important, c'est la communication. Là, on n'est pas sur Counter où tout le monde part pour faire du frag. Le but, c'est que l'équipe gagne, donc soit désamorcer une bombe, récupérer un otage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que j'en ai pas fait beaucoup. Ouais, il y a récupérer un otage, il y a les matchs à mort aussi. Voilà, il y a toujours du deathmatch si on veut faire du frag. Alors ça, c'est très rapide parce qu'on est équipe de 4 contre 4. Ouais. Une aussi petite map, les parties, elles font 3 minutes. Il y a la possibilité, par contre, de faire de la coop sur les opérations spéciales. On n'est pas obligé de les faire tout seul. Ouais. Alors honnêtement, c'est plus pour un didacticiel au final. Eh ben alors c'est un didacticiel, mais qui s'est révélé être un petit peu avec un scénario qui reprend en fait la cinématique du début, parce que tu te retrouves après avoir fait les 10, on te donne une mission, mais on te met une cinématique où en gros, alors c'est pas vraiment du spoil, hein, mais on te montre une cinématique de peut-être 2 minutes où ils te mettent des mecs en combi jaune un peu à la Breaking Bad, okay, avec des masques à gaz, et ils te disent bon les mecs, ça y est, ils ont pris une université, ils ont foutu du gaz partout, et en fait t'as une mission vraiment chaude, très très chaude, où tu es en coop avec 4 autres personnes, enfin 3 autres personnes en ligne pour le coup, et tu dois évoluer donc dans une université plein de gaz jaune où tu vois que dalle, donc t'es masque à gaz et compagnie. Donc Le côté scénar, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus, parce voilà, que je trouve que c'était bien foutu. Ça fait partie de mes moments aussi. Ouais, c'était bien foutu. On avait de la cinématique qui claque avec de la motion capture de ouf. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de sympa. Après, on voit clairement le comment dire la direction qu'ils ont voulu prendre. Au moins faire un jeu pour les joueurs casual, mais plus quelque chose pour de l'e-sport justement, pour du professionnel. On passe au plus et au moins. Eh ben allez, vas-y. Mais je te laisse faire les plus parce que je sais que globalement je serais d'accord avec toi et je vais juste balancer mes quelques moins. Alors les plus, bah justement, on retrouve vraiment bien l'univers Tom Clancy, donc aussi bien Splinter Cell que Ghost Recon que Rainbow Six. L'identité Rainbow Six est bien là. On a toujours le rappel, on a toujours ce côté coopération où dans les anciens tu es tout seul, mais tu gères trois autres personnes où tu lui dis toi tu passes par la porte, tu fais ci, tu fais ça. Mm-hmm. Donc ça, les graphismes qui sont honnêtement très très bien. Moi je les trouve pas mal. Sur PS4 je trouve qu'ils sont pas trop fait chier quand même. Sur PS4 c'est la base, le strict minimum quoi. Ouais, je suis assez d'accord aussi, même au niveau des explosions et tout, genre quand ils renfoncent un mur, ouais. C'est pas super joli. Ah ouais. Ah ouais, ouais, non. Il y a certains bords d'explosion par exemple, c'est avec le mur du coup qui est renfoncé de l'autre côté, qui est limite pas texturé, un peu d'accord. Bizarre. Ça et puis voilà, t'as le passage avec l'avion là. Tu sais, quand tu fais les tutos, ouais. Quand tu rentres dans l'avion, tu vois l'aéroport au loin, enfin c'est 4 cubes quoi. Ouais, je suis pas fait chier. Pour le coup, après, voilà, vu que c'est un jeu, tu sais, où t'es censé être tout le temps sur les mêmes maps et tout, mais voilà, moi ça fait partie de mes moins. Les maps, je les trouve pas super originales et pas vachement travaillées. Et surtout dans les moins, j'ai mis développeur beauf. Parce que y a un moment où dans la map chalet là. C'est quand pas là où il y a des chiottes. Voilà, quand t'arrives dans les toilettes et que sur une des toilettes tu découvres un bouquin cochon avec un paquet de sopalins à côté, en 2015 ça fait plus rire personne à part les comptes développeurs derrière qui vont c'est les toilettes. Alors ouais, les lourdos. Je veux dire voilà, à chaque jeu comme ça dans les toilettes t'as toujours un petit mec qui s'est lâché, qui s'est dit je veux faire la blague la plus drôle du monde quoi. Et quand j'ai vu j'ai fait ouais voilà, j'ai fait ça et j'ai fait. Oh là là. Alors par contre, gros plus pour le jeu, et ça c'est un des trucs les plus importants, surtout quand tu as un bon casque, c'est le sound design. Truc de fou, parce que franchement, tu entends, quand tu es à l'extérieur du bâtiment, tu peux entendre les ennemis parler, dire ouais c'est bon j'ai renforcé la porte, donc tu dis y'a oh, plus de papier. Tu sais que le mec il a renforcé la porte, ou t'entends c'est bon je déploie la caméra, ou ce genre de truc, et c'est vachement important. Donc du coup avoir un bon casque ça aide vraiment sur ce genre de jeu. T'entends les pas, t'entends les barricades, t'entends tout. Pardon, un tas de trucs. Je pensais que ça s'entendrait pas. T'entends mais vraiment tout un tas de trucs, et les sons sont vraiment super bien faits. La capture qui a été faite a été géniale, et franchement, sound design chapeau. Je suis sûr que c'est toi qui l'as fait. Ah, c'est possible. Bah après voilà, au niveau de la conclusion, c'est vrai, j'ai trouvé que c'était un très bon jeu. Il est super difficile après, parce que ouais, le problème c'est que la plupart des gens qui jouent dessus, c'est des mecs qui avant ça étaient sur Counter ou sur Ghost Recon, etc. Et qui du coup dès que t'arrives en multi, globalement tu te fais défoncer. Et au-delà de ça, je pense que malgré les efforts qu'ils ont fournis, qui sont assez respectable comparé aux quelques pétards mouillés qu'on a pu avoir cette année chez Ubisoft, je pense que ça ne deviendra jamais une vraie valeur en matière de e-sport en fait. Ah bah moi je pense que si, justement, je pense qu'il va vraiment faire mal. Mais quand dans ce cas là parce que logiquement il aurait déjà dû faire mal en fait. Mercredi en 8. Non mais voilà, jeudi matin au soir. C'est que je veux dire, certes il est bien, mais il est pas mieux qu'un autre. Ah oui, au final. Si, un moins. Non, un, tu lèves un, pas un le, moins, le doigt. Un moins, et franchement, je trouve ça un peu naze. C'est vraiment pour les mecs accros et qui ont besoin absolument d'avoir les choses de suite. Il y a un season pass. À savoir que le season pass, c'est pour avoir uniquement. Alors attention, bon, effectivement, tu as un bonus d'XP de 5%. Waouh, permanent. Mais c'est surtout que tu as accès 8 jours en avance au DLC qui sort. Donc, nouveau opérateur ou nouvelle carte. T'as juste accès à ça 8 jours avant tout le monde. Mais attends, mais enfin, quand t'es pas un pigeon, t'attends 8 jours pour avoir le DLC gratos. Ouais, mais ah tu ouais, vois, mais ça, c'est tout les hardcore gamers à la con. Les qui mecs, veulent ouais, pouvoir s'entraîner. Je veux être à l'avance, avant, machin. Enfin, bon, voilà, à un moment donné, je veux dire, putain, quand tu payes un season pass, alors je me rappelle plus le prix, mais franchement, juste pour avoir de l'avance de 8 jours. Franchement. Et ouais, mais il y en a, il hein, y a voilà. Ouais, il y en a. Bah, y a, à mon avis, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a des clients, hein, c'est clair. Bah oui. Mais bon, voilà, ça c'est le moins aussi que je donne. Quoi. Au final, moi, je trouve très bien, mais je trouve pas méga original, et Enfin, j'ai juste envie de dire bien tenté Ubisoft, mais je pense pas que ça prendra pour le. Ouais, j'ai pas accroché des masses non plus. C'est. Eh ben, on voit ça dans combien de mois? Dans 3 ans. Non, mais franchement. Non, moi je pense que. Je pense qu'il va décoller. À la fin de l'année prochaine là. Attends Noël que tout le monde ait eu les cadeaux et tu verras après ça va passer. Moi je pense qu'il va, il va carrément passer sous le. sous le bureau. Non, non, mais on va pas en entendre plus parler que ça. Déjà parce qu'au niveau de la com, il y a pas eu vachement de choses qui ont été faites dessus. Bah ils en ont pas fait du tout à cause des événements et bon après c'est compréhensible. Et ouais, bon mais, ça ouais. C'est compréhensible. La com a été foirée là-dessus surtout. Oui et non parce que ils font de la méga grosse com sur des jeux qui au final se trouvent être un peu à chier et là pour le coup ce jeu il était pas mal et du coup en fait on en entend pas beaucoup parler quoi. Bah après voilà comme vient de dire Dandy c'est délicat, tu sais, parce que ça sur les chaînes info, ça tourne en boucle partout. En plus de ça, tu vas pas rajouter une publicité à la télé avec genre deviens toi aussi. Enfin, toi ça fait l'armée de terre ouais, recrute c'est ça, quoi. Exactement. Bah, toi c'est. Ouais, je suis d'accord, mais dans ce cas-là aussi, t'arrêtes de. Tu peux faire le même jeu avec le même gameplay et tout, mais dans un autre contexte. En même temps, ouais, tu mais vois. Bon, ils vont pas changer les le jeu terreaux dernier contre moment, les anti-terreaux. Ça va, on connaît ça depuis 1990. Eh ouais, mais bon. Quoi. Et bon, puis un plombier qui saute sur des cubes, on connaît ça depuis 30 ans. Ça. Ouais, mais c'est, ça c'est, une, c'est, tu vois, c'est, non, ça c'est reste pareil, propre à c'est Mario. Pareil. Non, ça reste propre à Mario. Ça existe pas. Mmh. Après, je suis assez d'accord. C'est vrai que bon, les jeux de tir, ça tourne un peu en rond. Ouais, c'est un peu. Après, voilà, tu vas pas réinventer la roue. Tu vois, Battlefront, ça lui est reproché. Il y a des modes de jeu qui sont pas hyper enthousiasmants, quoi. Bah, protéger des droïdes qui se déplacent. Justement, ou, à partir de là, il y a un moment où les mecs va falloir se creuser la tête. Et franchement, moi, Rainbow Six, tel que je l'ai vu au premier trailer de l'E3, mais j'avais hâte d'y jouer, quoi, parce que c'est ça changeait, tu vois. Bah, c'est pour ça que là, coup, wait and see pour The Division, parce que voilà, moi depuis. Je pense que c'est mort. X Assassin's Creed et compagnie. Ils ont été rétrogradés niveau PS3. Le gameplay a l'air carrément chiant, en fait. Et ouais non, je pense que The Division, je l'attendais une fois de plus beaucoup parce que niveau trailer super joli, ils en font des géniaux. Et puis dès que j'ai vu là la dernière E3 et à la Gamescom les footage du jeu et tout, bah tu te rends compte que ouais, ça fait comme Watch Dogs, il est moins joli, il est moins marrant, du coup en fait tout ce qui faisait que t'avais envie de l'acheter, bah ça disparaît. Et ouais. Bon bref, bon en tout cas merci à vous. Bon on est un peu en retard hein, comme d'habitude. Vous allez me dire que ça ne devienne pas une habitude hein, justement. Bon bah c'est cool, merci Dandy en tout cas. Mais de rien, avec plaisir. Bon on va se quitter là-dessus. Je rappelle, hein, alors c'est Hugo. Hugo Cabré. Hugo Martin. Hugo Cabré. Ouais. C'est Hugo Martin qui a gagné Bloodborne. On l'a tiré au sort tout à l'heure. N'hésite pas à te faire. à te faire. Invente la suite. Oui attends, je cherche le terme. À te faire remarquer ou à voilà. À te manifester. Voilà, à te manifester. Voilà, sur la page Facebook. Puis sinon, je t'enverrai un message tout à l'heure. En tout cas, tu repars avec Bloodborne. Ça fait zizir. Mardi prochain, pas de test, pas de news. On se fait une petite rétro de toute l'année. Ouais. Tous les jeux, on va essayer d'élire notre jeu préféré. Je sais pas si on va faire par style ou machin. Ça va dépendre du temps. Après, on va essayer de faire pas mal de quiz aussi quand même. On va faire un grand jeu. Tu sais, comme à l'école, quand c'était le dernier jour et que la maîtresse, elle disait, bon, demain, vous ramenez des jeux de société. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Et puis, t'as l'autre connard de Monsieur Bernard qui te dit, bon, je vous mets 2-3 exos pour demain quand même. Ouais. Et puis, t'as des devoirs le soir même. Ouais. Connard, tu m'as niqué mon enfance. Bref, bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis sur le stream. Hein, ça fait plaisir. Il y a Kalec qui fait... À te faire connaître. Voilà, il a fini ma phrase. Merci Kalec, tu déchires. Et ben vous aussi, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de nous sur la page Facebook et Twitter, La Voix du Geek, la voix avec un E. Ça fait plaisir. Il y a quelques personnes qui sont. Ah, attends, comment il s'appelle? Il y a Agora qui nous a rejoint sur Twitch. Merci à toi. J'espère qu'il n'est pas agoraphobe. Faudrait que j'en trouve une autre. Bonjour et bienvenue sur Troll FM. C'est ça. Et puis de toute façon, on se retrouve mardi prochain. Alors on va dire à partir de 19h. Et puis on verra, ouais. On verra. On va essayer de faire une bonne émission qui va bien. Je vous le rappelle, si vous êtes sur Bordeaux ou pas loin, n'hésitez pas à venir nous voir. Ce sera en public. On va essayer de mettre la caméra ailleurs. Je sais pas, on va se démerder. Ouais. En tout cas, on va bien se marrer. Ça marche. Passez à tout. Passez. Voilà. Ouais, voilà. Une bonne soirée. Ouais. Non, parce qu'en fait, j'ai pas fini. Je voulais dire que demain matin, nous, on va voir Star Wars. Eh oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ah, eh ben, c'est bien. Ben, moi, je vais travailler. Eh ben voilà, allez, va laver mes slips, femme. Il a une situation, bolos. Allez, salut. Bref, on en parle avec Goustique, on verra si on en parle mardi prochain de Star Wars. Ils on vous dira spoiler. Au moins, non, on vous dira au moins si on a aimé ou pas et si c'est bien ou pas. Le Joker, il meurt à la fin. Chut, oh la putain, vache. Bon bref, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Eau de Radio. Et là, juste après, il y a un artiste qu'adore Goustic, c'est Luc. Ah, oh, sérieux? Ouais. Oh, génial. Avec Warrior. Ah, en plus, elle est bien cette chanson. Alors, est-ce que tu veux nous faire le lancement disque? Bah, si tu veux, il n'y a pas de problème, mon copain. Alors, c'était une très bonne émission. La semaine prochaine, on se retrouve le 22 décembre. Et là, tout de suite, on se quitte avec Luc de ses morts, Warrior. Vous écoutez Eau de Radio sur 91.3.